Kim. Igu. Elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle. Imagina, premier mot. Ils sont champions de France. Bagarre. Où la bataille était le match. La bataille le match, moi. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport and Chill. C'est la saison 4 toujours évidemment et l'épisode 4 ce soir de Sport and Chill. Et gros programme ce soir, gros programme sportif parce qu'il y a eu beaucoup de choses ce week-end et non pas des moindres. Pêle-mêle un peu, donc le Four Nations c'était la fin, le top 14 évidemment toujours le championnat. On va parler un peu de football ce soir et non pas Ligue 1 mais Liga. On va faire un petit focus sur la Liga, on fera la première Ligue, Serie A ou Bundesliga un autre jour. On va parler cyclisme évidemment avec le championnat du monde de cyclisme qui a eu lieu ce week-end. Le tennis évidemment avec la tournée asiatique qui a eu lieu ce week-end également et qui continue toujours. D'autres sports toujours évidemment, mais aussi on va commencer par la Ryder Cup, un événement international qui a eu lieu en France, donc on va en parler aussi. Après les sports montpelliérains, c'est un bilan de 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites ce week-end. Bilan positif. Et le débat de la semaine qui est préparé gracieusement par mon cher Yacine sur le fair play financier, un dossier qui est en suspens depuis de nombreuses années, qui a de nombreuses failles, on verra ça tout à l'heure. Et la parole est au chiller, sera l'occasion de parler d'un certain Lewis Hamilton qui commence à être une légende dans son sport, on en parlera tout à l'heure également. On va commencer tout de suite avec les résultats de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Un petit peu à la bourre aujourd'hui, j'ai même oublié de vous présenter ce soir. On a Paul et Tim à ma gauche, salut les gars. Salut Flo, salut tout le monde. Salut. Et on a Yacine et le retour de Max qui sont à ma droite, salut. Salut à tous. Salut, salut. On attend un certain Romain qui n'est pas là, qui est en retard. Encore plus en retard que moi alors. Ouais, petit problème. Du coup, tant pis, hein, on va parler moins de cyclisme. Hein, ça sera pour sa femme. Hein, c'est un auditeur qui s'en frotte les mains. Ici, il nous écoute à la radio, il est en train de repartir chez lui après cette annonce. On va commencer peut-être avec le plus gros événement du week-end. Pour une fois, peut-être, c'est du golf. Le derby, attends, je sais pas. C'est vrai, à Montpellier, c'est vrai que c'est le plus gros événement du week-end. À la Grande Motte, si. Oui, demi-finale pour moi l'année dernière. Pour les boulistes, peut-être, mais pas pour le monde du sport. C'était la Ryder Cup. Et l'Europe a remporté la Ryder Cup. Hein. Je vous rappelle juste que c'est cette compétition. C'est une compétition entre l'Europe, les golfeurs de l'Europe, les meilleurs. Contre les meilleurs golfeurs des États-Unis. C'est paradoxal cette année parce que c'est en France et qu'on n'avait pas de golfeurs français. C'est un peu dommage. Il y en avait un, je ne me rappelle plus son nom, qui n'était pas. Victor Dubuisson. Ouais. Non, Victor Dubuisson. Victor lui, il était blessé apparemment, c'est pour ça qu'il n'était pas là. On peut se blesser au golf d'ailleurs. C'est une information. Le swing quand même. Et oui, parce que pour courir, pour aller à la voiture, on peut se blesser. Oui. À la voiturette déjà. Comme tu es vilain, tu es ouais, mauvais. Comme tu es vilain sur le golf. Et j'ai envie d'être taquin ce soir. Je vous le dis. C'est très bien que le swing, c'est assez dur à faire. Moi d'ailleurs, j'ai jamais fait de golf, donc je peux pas dire. Mais non, pour avoir essayé, c'est très technique comme sport. Je plaisante. Oui. Allez, faut être sportif. Alors on enchaîne. L'Europe donc a remporté la Ryder Cup 17-5 à 10-5, 10.5 pardon, face aux États-Unis en prenant donc le trophée à domicile. Francesco Molinari a apporté le point décisif contre Phil Mickelson sur le parcours de 50 ans en Yvelines, donc en France. L'Europe reprend le trophée laissé aux États-Unis il y a 2 ans. Cela fait désormais 25 ans. Et donc la compétition organisée à Wishaw en Angleterre que les États-Unis n'ont plus remporté la Ryder Cup en Europe. À l'issue de cette première journée vendredi, l'Europe avait viré en tête menant 5-3 après une première session matinale de 4 balles difficilement négociées. Mais les foursomes, comme on l'appelle, de l'après-midi avaient permis de renverser la situation en faveur de l'équipe de Thomas Bjorn. Et samedi, donc, l'Europe a accentué sa domination grâce notamment à une paire Mollywood, donc c'est Molinari, j'en ai parlé, et Fleetwood, exceptionnel. L'équipe de Bjorn a donc conclu 4 balles à 8-4 avant de faire jeu égal avec le foursome 2-2, permettant aux Européens d'entamer la journée de dimanche à 10-6 et de donner une nouvelle victoire aux Européens sur leur terre. Si on a qu'ils ont regardé la Ryder Cup, qu'avez-vous pensé de l'événement? Et peut-être question un peu plus générale. Je sais qu'il y en a qui ont regardé parce que c'est l'événement majeur. C'est un peu comme c'est un peu comme les JO. On regarde pas certains sports et quand c'est les JO, on le regarde. Et surtout, est-ce que vous pensez que cela peut booster un peu le golf en France, voire un peu faire baisser les prix, parce qu'on sait encore que le golf est un sport assez privilégié pour une certaine une partie de la classe. La classe supérieure, on va dire. Est-ce que ça peut booster pour vous le golf en France? Bon, je crois en plus que cette Ryder Cup a été une réussite en France, qui était très suivie. Donc peut-être ça peut créer un engouement et du coup une dynamique au niveau de la Fédération française de golf. Alors après, au niveau des prix, ça, je sais pas si ça amènera à baisser les prix. J'ai pas les chiffres exactement, mais je pense que oui, ça peut créer une dynamique et un engouement autour de ce sport. Bah, automatiquement, ça donne de la visibilité, donc ça peut être que du positif. Que l'événement soit en France, les gens s'y intéressent un petit peu spontanément, même si c'est temporaire, que c'est calqué sur l'événement, ça peut être que du positif pour le sport et le nombre de licenciés. Ok, peut-être. Je suis d'accord. Après, je ne sais pas, est-ce que ça figurera au sport olympique ou pas pour 2024? Je me demande si c'est... Le golf est devenu olympique, mais alors quelle année? La question c'est, est-ce que c'est 2024 ou est-ce que c'est 2028? C'est bien possible que ce soit 2024. Si c'est le cas, le timing est parfait pour créer un élan. Il me semble que c'est... On est très mauvaise langue parce que même depuis 2016 à Rio, il a été réintégré. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est avec c'est Justin Rose bien informé, et Big Park. Donc voilà, depuis on 2016, est pro, et, ouais, on est pro hein, du golf. Hein, oui, sur Tenchi, le premier pro du golf. Oui. Donc voilà, on va. J'aurais bien voulu avoir Romain parce que je sais qu'il a regardé, mais il est un peu en retard. C'est pas grave, on va peut-être continuer sur le Four Nations, enfin surtout sur le rugby. Parce que sur rugby, on commence par le Four Nations, d'accord, avec comme tu veux, ce que tu préfères. Bah, sans surprise, nouvelle consécration pour les Blacks qui remportent leur troisième Four Nations d'affilée après leur victoire en Argentine 35-17. Ils sont un peu vengés sur les Argentins après avoir perdu à domicile, contre les Sud-Africains. Qu'est-ce que tu dis? Punition pour les Argentins. Oui, punition, ouais, on peut le dire. Ouais. Surtout au vu de la performance, le score aurait pu être plus lourd. Et de l'autre côté, l'autre match, c'était l'Afrique du Sud face à l'Australie et les Springboks se sont imposés 23-12. Voilà pour le Four Nations, donc les Blacks à nouveau titrés. Justement sur le Four Nations, je voulais savoir votre avis sur, parce qu'on est bientôt à la Coupe du Monde de rugby, est-ce que les nations du Sud ont encore cette supériorité habituel, on va dire, d'avant tournoi, est-ce qu'ils peuvent faire un 100%, peut-être pas sur les demi-finales 100%, mais est-ce que, enfin, quoi que si, on peut poser la question, est-ce que peut-être à l'Argentine qui s'est un peu révélée, parce qu'on parlait de l'Argentine assez bas. Qui était déjà en demi-finale en 2015, il faut pas l'oublier. Oui, donc est-ce qu'ils peuvent faire un 100%? L'Argentine a toujours été une équipe en forme lors du mondial. Ont toujours enquiné les meilleures équipes. Est-ce qu'ils sont meilleurs que le Nord en ce moment? Je sais pas. Alors, à partir du moment où tu as les Blacks, de toute façon, tu as une marge d'avance. Mais on voit les nations comme l'Angleterre qui Déjà, ils ont l'avantage de les avoir déjà affrontés, eux. Oui. L'Argentine leur a fait des vrais tests face à l'Afrique du Sud, les équipes comme la Nouvelle-Zélande. Maintenant, ils ont l'habitude. Là, ils viennent. Je veux dire, par rapport à des équipes qui vont jouer pour la première fois de l'année contre les All Blacks, ça va leur faire un choc. Imagine, tu joues les Tonga, deuxième match, tu prends la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est dur à jauger, quoi. L'Argentine les aura déjà maniés plusieurs fois. Oui, c'est sûr. Oui, ils auront déjà. Ils savent à quoi s'attendre, c'est sûr. Mais tu vois, l'équipe de France a quand même joué trois fois contre eux aussi cet été. Oui. Ils ont pris trois volets. Oui, parce qu'ils ont fait le choix de les affronter. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que c'est des volontaires, justement, en préparation, en vue de la Coupe du Monde? Ça, je sais pas. Parce que c'est vrai que tu ne mets pas en confiance après, mais bon. Non, c'est sûr. Pour l'instant, les nations du Nord ont aussi leur mot à dire, avec, comme je disais, l'Angleterre qui est en forme, l'Irlande et le Pays de Galles, bien sûr. L'Irlande. Qui peut aller chercher, je pense, Australie ou les Bocs, à la rigueur. Ah, mais bien sûr, oui, ça c'est sûr. Un match officiel. Pas oublier que les Écossais, même en 2015, je crois, perdent de 2 points face aux Australiens, avec un arbitrage. Ils méritaient même peut-être de gagner. Faut pas oublier aussi que tu avais Van Cotter qui était à sa tête. Absolument. Qui a fait beaucoup de bien à l'équipe. Pour l'instant, les Écossais surfent sur la bonne dynamique et n'ont pas de contre-coup pour l'instant depuis le départ de Van Cotter. Est-ce que ça continuera jusqu'à la Coupe du Monde? C'est ce que je leur souhaite parce que j'aime bien cette équipe. Mais en tout cas, En tout cas, pour l'instant, on voit que l'Afrique du Sud et l'Australie sont pas forcément au top, même si l'Afrique du Sud, pour moi, ils ont gagné en Nouvelle-Zélande, certes, mais je pense que c'était vraiment l'exploit d'une fois et je pense pas qu'ils rééditeront de sitôt. Je pense que pour l'instant, les nations du Nord ont leur mot à dire face aux nations du Sud. Après, d'accord. Il faudra voir aussi que, enfin, espérons que, on se rappelle, je crois que c'était déjà il y a 2-3 ans que les Anglais avaient battu les Néo-Zélandais, je crois, lors d'un test match. Il y a plus longtemps même. Et les Irlandais avaient gagné, je crois, l'an dernier aussi à Chicago face aux Blacks. Tout à fait. Bon, pour l'instant, ça relève de l'épiphénomène. Si ça devait se concrétiser l'an prochain pendant une Coupe du Monde, ça serait pour moi un renversement majeur dans l'histoire de la Coupe du Monde. Oui. Parce que, tout à fait. Ils sont absolument monumentaux, ces Blacks. Pour l'instant, je pense que l'équipe la mieux rodée, même si ils ont fait une incitation assez mauvais, l'équipe la mieux rodée pour les battre, pour l'instant, pour moi, ça reste les Anglais. Oui, un peu moi plus aussi. Que les Irlandais. Moi aussi. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Sur le top 14, du coup, on passe au championnat. Sur le top 14, ouais, c'était la 6ème journée du top 14. Bon, c'était la journée des derbies. Voilà. Bon, pourquoi pas, après tout. Ils ont décidé que la 6ème journée serait celle des derbies. Avec en ouverture un Toulouse-Castres, avec un petit air de revanche du barrage de la saison dernière, où Castres l'avait emporté au stade toulousain, ce qui avait créé justement une petite crise du côté de Toulouse parce qu'ils avaient fait une saison intéressante et là ils perdent en quart de finale. Du coup ils avaient à cœur de prendre leur revanche et du coup les hommes du Gomola ben justement ils ont dominé tout le match pendant une heure et ils se sont dit bon bah c'est bon 22-6 22-3 même on a le poids de bonus offensif ça devrait bien se passer sauf que voilà en face ce sont les irréductibles Castrés qui ont fait une remontada on peut dire et qui au final l'ont emporté sur le terrain de Toulouse 26-22 donc grosse performance de la part des Castrés qui ne cessent de surprendre pour l'instant. On peut pas dire que ça va mal à Toulouse mais la défaite à Montpellier était mal passée peut-être pas chez les Toulousains mais il y a eu des réactions réaction notamment voilà est-ce qu'on doit laisser passer le fait que les équipes qui viennent à l'extérieur doivent autant faire tourner du coup négliger des matchs voilà surtout qu'il avait été expressément dit des matchs qui précédaient à Machère Toulouse qu'on y allait justement pour préparer le match contre Castres voilà. Qui a été pour moi perdu de manière inadmissible quoi. C'est une faute professionnelle ah oui, ça, c'est à 22 à 3 tu veux jamais laisser passer le match tu mets 22-3 et puis au final tu te fais remonter mais quand t'es une équipe comme Toulouse tu as un statut tu as un niveau parce que depuis le début de la saison même si voilà bon Castres Montpellier tu l'oublies Toulouse est vraiment intéressant dans son jeu etc et alors là contre Castres ils sont intéressants pendant une heure vraiment mais alors après plus personne quoi c'est fou, et ça. Du coup trop d'air quoi et c'est là que tu vois que Castres aussi est bon dans ces moments là et que du début à la fin ils ne lâcheront jamais ils ont un mental assez extraordinaire et on devra encore compter sur eux pour la course au barrage voire plus encore une fois ouais ça, non, mais ça c'est sûr. Du côté des autres rencontres Agen a perdu à domicile contre Pau 28-25 du côté du derby de l'Atlantique entre Bordeaux et La Rochelle ce sont les Bordelais qui se sont imposés 34-22 derby d'Isère entre Lyon et Grenoble est-ce qu'on peut dire derby isérois Isérico seulement. Ouais, Rodanien peut-être plutôt. Rodalpin. Je préfère Isérico. Rodico. 34-6 pour Lyon face à Grenoble. Perpignan n'a toujours pas gagné cette saison. Il s'incline à nouveau à domicile contre Montpellier 23-20. On y reviendra tout à l'heure. Clermont s'est imposé face à Toulon 28-8. Et Toulon aussi n'est pas vraiment en grande forme dans ce début de saison. Et enfin, derby de la capitale entre le Stade français et le Racing. Le Racing s'est imposé à l'arraché contre Paris 17-16. Au niveau pas du classement. Pas sûr que les franciliens, le Stade français, soient d'accord pour dire derby de la capitale pour le Racing. Je sais qu'ils sont très farouches au niveau de ça. Oui, mais tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis le derby de la capitale, mais bon. On se dit que Racing et Paris, c'est juste à côté. On va dire le derby d'Île-de-France. Non, c'est nul. Non, c'est nul à chier. Ouais. Clairement. Faut mieux dire le derby de la capitale. Désolé pour cette interruption. Au classement, Clermont est ultra devant avec 24 points, premier. Montpellier est 6ème avec 16 points. Et bon, dernier du classement, c'est l'USAP avec 2 points. Ça va être dur pour eux. Hein. Ouais, ça va être dur. Ils ont marqué quand même des points contre Montpellier. Montpellier, il reste 5 minutes à la fin. Perpignan gagne le match. Parce que Montpellier a lâché vraiment 10 dernières minutes. Mais en soi, ils sont intéressants dans leur jeu. Ils sont pas nuls. Tu les trouves meilleurs que Grenoble ou. Parce que c'est faible aussi. Hein. C'est faible. En fait, le truc, c'est qu'à Perpignan, t'as une âme. Tu veux, t'es agressif et du coup ce qui fait que moi j'espère encore qu'ils peuvent revenir croire, tu vois j'ai envie d'y croire aussi Grenoble t'as peut-être un effectif qui est un peu plus homogène là au Perpignan justement t'as un 15 intéressant mais après c'est un peu compliqué on verra. Franchement, on verra. Moi, je mets pas de pièces encore sur la suite parce que je pense que Perpignan peut très bien remonter, comme peut aussi très bien s'enfoncer. Très bien, on la va. Suisse, finalement. On se mouille pas. Tu n'as rien à rajouter sur le rugby, on peut passer le à... rugby, c'est bon, c'est bon pour moi. Ok, très bien, on va peut-être passer au tennis justement. Est-ce que c'est un peu un moment pas moins bien, mais un peu un trou dans le calendrier du tennis finalement. Ouais, quand on voit que Herbert est en finale et qu'il perd face à voilà, je vais pas te cacher que c'est pas l'actualité la plus intensive de l'année. Hein. On est sur un petit week time en ce moment avec des tournois un peu mineurs. Ouais, Shenzhen, tout ça. Voilà, c'est des tournois qui sont bien dotés financièrement, donc il y a quand même quelques joueurs qui le font. En mais... plus, en Asie mineure. Ouf. Non, j'apprécie. Non, mais pour les historiens, pour les historiens uniquement. Non, les autres, je n'écoutais pas. Ah bah non, c'est pour les puristes, celle-là. Il y a donc il y avait les tournois de Shenzhen et Chengdu. En Chine donc des ATP 250 donc comme tu l'as dit Paul, Pierre Hugerbert qui a atteint la finale à Shenzhen, qui a été battu hein, un français n'est pas coutume, battu par Nishioka 7-5 de 6-6-4. Il a déclaré qu'ils étaient 8 en face de lui, c'est comme s'ils étaient 8 en face de moi. Ah voilà. Bon, ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci. Tu peux reprendre. J'ai hésité à la mettre en quiz hein, je me suis dit c'est trop lambda ouais. Donc donc voilà, merci pour cette citation. Il y a Chengdu, c'est The Revenant qui est Bernard Tomic qui a décidé de rejouer au tennis et qui a battu Fabio Fognini 6-1, 3-6, 7-6. Tomic qui avait complètement disparu des radars. C'est pour ça que je dis The Revenant. Et chez les femmes, là il y avait vraiment un tournoi à ne pas manquer. Hein, une grosse affiche en Ouzbékistan, à Tashkent. Vraiment un jeu de qualité entre Gasparian qui a battu Potapova. Je pense que personne ne connaissait deux joueuses. Non, voilà, je vous épargne le score, les poulets. Et après, à Wuhan, en Chine, toujours. Où là c'est Sabalenka, que là je pense que certains connaissent. Qui a battu Kontaveit 6-3 6-3. Sabalenka qui sera pour moi la joueuse à suivre en 2019. C'est qui est encore une jeune joueuse et qui fait vraiment une super progression. Quatrième finale de l'année, c'est pour son jeune âge, c'est quand même 4 fois plus que Karine Garcia par exemple. Du ça, je dis rien. Le glisse sur le pouce. Et là actuellement par contre, il y a un tournoi, enfin deux tournois en parallèle qui sont un peu plus importants, c'est les deux 500 Tokyo et Pékin. Où voilà, là on est sur les premiers tours. Pour l'instant, j'ai pas de grande surprise à vous annoncer. Ce qui est bien avec le tennis, c'est que c'est notre petite période French bashing. Ouais, mais bon. En mode FFL. Qui est des fois très mérité. Ouais. Dans ce cas-là, je pense que pour Herbert, c'est assez mérité. Ouais. Tu peux me rappeler le nom de l'adversaire? Nishioka. Nishioka, oui, le bien nommé. Ouais. Le bien, ouais, ouais, sort de samouraï. Quoi. Oui, voilà. Mais bon. D'où l'expression, il a 8 bras, il a 8, j'étais 8 en face de moi. Ouais, oui, parce que je pense que c'est un joueur très mobile qui couvre pas mal de surface de terrain et qui. Ouais, enfin, ils sont tous comme ça maintenant, je te dis. Voilà. Et donc voilà, pas de. Chez les femmes, il y a également Pékin, donc avec les favorites qui sont passés, Wozniacki, Osaka, Vekic, Sevastova, Pliskova, Muguruza, Sasnovic qui ont gagné. La petite surprise, c'est Elise Mertens qui a été éliminée. Pas beaucoup plus d'infos de vous donner. D'accord, très bien. C'est quand les prochaines échéances en tennis En gros, là, la vraie prochaine échéance, c'est Masters 1000 de Shanghai, qui sera dans une semaine, 10 jours. Puis à Bercy bientôt. Oui, début novembre. Bercy, ça va être en novembre. Ouais, mais puis après les Masters, du coup. Ouais, okay. C'est ça. Ah, Bercy, ça arrive tard quand même. C'est juste avant les Masters. Ouais. C'est toujours en novembre, oui. C'est ça. Donc les joueurs, souvent, décident de ne pas le faire pour pas se blesser. Quoi. Puis la Coupe Davis. Qui sera entre les deux du coup aussi. Caroline Garcia n'est pas assurée de disputer le master chez les femmes parce que justement à cause de ses performances en Chine, là où elle avait tout rasé l'an dernier. Et c'est ça en fait l'année là, dernière. Elle a gagné les deux tournois, elle avait gagné Wuhan et Shenzhen. Shenzhen, ouais. Donc ça fait deux tournois et comme vous le savez en tennis, quand tu gagnes, il faut défendre les points et là elle a fait un first à Shenzhen et à Wuhan elle fait un huitième je crois. Donc elle perd pas mal de points. Bah, elle est 8ème et c'est Sloane Stephens qui est 9 à peu près. Elle a 13 points exactement de Garcia. Ah ouais. Là va perdre des points du coup. Ouais, pour moi, il ne sera pas au Masters. Hein. Ça va être compliqué. Je vois pas comment. Ok, on continue sur le football. On va pas en parler beaucoup vu qu'on va en parler pendant le débat. Et on va parler uniquement sur un focus sur la Liga Española. avec peut-être le spécialiste de la Liga ici. Et d'ailleurs, je lui dis bonsoir, Romain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Salut, Romain. Attentivement, excusez-moi pour ce retard. Est-ce que tu as attendu sur le cyclisme? Oui, j'ai entendu. Parce que du coup, on ne le fait pas. Je conduisais, j'étais proche d'Occitanie à ce moment-là. Mais je sais que certains aimeraient pas le faire. Du coup, je te donne le choix, soit on parle pas de cyclisme, soit un point en moins sur le quiz. Oh, il y a match. Mais je sais que vous voudrez parler des championnats du monde ensuite. Mais parlons Liga pour le moment. Allez, parlons Liga. Ah, mélangeons pas les torchons et les serviettes. Ça va être très hispanique. Je suis désolé du coup pour Flo d'ailleurs d'avance, au vu des chroniques qui m'a confié. Donc la Liga, on avait deux journées de championnat cette semaine avec des matchs d'importance, dont un premier match dont je souhaitais parler, qui ne m'a pas ravi dans la semaine. C'est le match qui a eu lieu en milieu de semaine à Séville au Sanchez-Pizjuan entre. J'ai regardé. Entre le FC Séville et le Real Madrid. Très beau match, mais que d'une seule équipe de Séville qui très, est d'ailleurs une première mi-temps incroyable. Ah ouais, première mi-temps. Asphyxie le Real. Exceptionnel, tu peux le dire. S'il y a 4-0 à la mi-temps, il n'y a pas de discussion quoi. Ah non, clairement. Le Real était dépassé dans tous les secteurs de jeu. Séville a dominé vraiment de la tête et des épaules, notamment dans cette première mi-temps. Et après, le plus dur était fait à 3-0 à la mi-temps. Donc oui. le Real a eu quelques opportunités de revenir. Il y a un but refusé en seconde mi-temps. Un peu petit jeu quand même. Qui est limite de Luka Modric. Après, bon, ça c'est. Après, ouais, c'est quoi. C'est la VAR, hein, c'est l'arbitrage vidéo qui a permis de. Ouais. Annuler ce but pour un hors-jeu très très limite, en tout cas à l'image. Même à la vidéo, c'est pas forcément clair. C'est un petit peu la limite de la vidéo. D'outils. Et aussi, je crois qu'en seconde mi-temps, il y a une frappe de Gareth Bale aussi sur le poteau, mais en tout cas, un non-match du Real, hein, quand même, faut résumer. Avec deux gros joueurs, André Silva qui a fait un grand match. Meilleur buteur de Liga actuellement. Meilleur buteur de Liga. Ça a été un flop au bilan. Il ne fonctionne pas que. Moi j'étais d'avis pour le garder, mais enfin ça n'a pas été le cas de la direction. Et un but de Wissam Ben Yedder qui est plutôt en forme en ce moment et qui a marqué aussi. Il a mis un doublé en Ligue Europa. Oui, et qui avait marqué aussi contre Levante au minimum un doublé, je crois que c'était un doublé. Oui, c'était un doublé. Il a marqué un triplé même, je crois. Ou un triplé peut-être, parce qu'il y a eu 6-2 lors de ce match. Je vous avoue que je ne l'ai pas vérifié. C'était dans le quiz, donc c'est bien triplé. Ce qui est une bonne réponse d'ailleurs. Peut-être pas la direction, mais à son entraîneur qui ne l'avait pas titularisé au début de saison et revoit ses choix. Ben Yedder, c'est la même rengaine chaque année, en tout cas depuis qu'il est arrivé à Séville, à savoir qu'il est sur le banc systématiquement, il perd sur le banc. L'an dernier, c'était avec Luis Muriel. Et voilà, il fait des performances qui lui veulent pour moi plus qu'une place de remplaçant, un titulaire indiscutable même. Donc, et à chaque fois, il y a. Surtout dans les gros matchs, il est là, je trouve. Ah oui, il marque, et puis je crois que c'est lui qui élimine Manchester United. Ouais. L'an dernier. Oui. Il a toujours de très belles stats lors des matchs qu'il fait, donc je ne comprends pas le traitement qui lui est réservé. Et cette saison, il est donc à 4 buts en 5 matchs, alors certes avec un triplé. C'est très propre. C'est excellent. Pour un joueur qui n'a pas énormément joué. Plus les buts en Europa League, c'est bien. Ah oui, effectivement. Un autre match aussi qui avait lieu en milieu de semaine dont il me semble important de parler, c'est celui qui avait opposé le Barça à Leganés, un duel entre le dernier de Liga et le premier du championnat, le FC Barcelone, et Leganés qui l'a emporté contre toute attente sur son terrain 2-1, ce qui ouvrait justement la porte. En plus en étant mené 1-0. Effectivement, à la première position pour le Real Madrid qui a failli, on vient d'en parler plus tard dans la soirée contre le FC Séville, ne profitant pas de cette aubaine. Mauvaise série pour le FC Barcelone, je voulais le signaler. C'est 3 matchs sans victoire, 2 nuls et une défaite sur leurs 3 derniers matchs. Donc une passe un petit peu difficile. Et puis justement, c'est là-dessus que je voulais en venir. Une Liga pour le moment qui est un petit peu indécise, ouais, contrairement à d'autres années. Je pense que ça peut être intéressant. Elle me semble un petit peu plus faible sur les têtes d'affiche que par le passé, mais aussi plus ouverte. Donc peut-être plus intéressante pour des gens qui s'intéressent habituellement pas à la Liga. J'ai l'impression aussi que des équipes, on va dire. Hormis le quatuor majeur, trio majeur, si on met Atlético, Real, Barça, les équipes comme Valence, Villarreal ou Séville me paraissent aussi un peu moins bien armées cette année. Je sais pas, je les sens un peu plus en dedans, plus irrégulières. Valence, un peu plus de mal que l'an dernier, en effet. Ouais. Villarreal, ils ont bondi ce week-end, mais sinon, c'est la soupe à la grimace. Hein. Ouais, voilà, après, Bilbao, malgré son bon match au Camp Nou samedi, je pense pas qu'il soit dans le top 5. Je crois pas. Non. L'Atlético, après, voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'ils seront encore à même de répéter l'exploit de 2014 en étant champion? pour le moment, le Barça est dans une mauvaise passe, mais je pense que ça va se régler. Ouais, ça va se niveler. Après, enfin, Romain évidemment va parler du derby qui s'est déroulé samedi, mais moi, pour l'avoir regardé, j'ai trouvé que le niveau des deux équipes était semblable. L'Atlético qui encore une fois a misé sur la contre-attaque, mais des contre-attaques rondement menées comme d'habitude, la même philosophie de jeu et avec un peu plus de qualité, et j'ai l'impression que l'Atlético c'est toujours la même rengaine, à savoir que chaque année je la trouve plus complète et meilleure. En termes d'effectifs, donc ils peuvent clairement aspirer cette année, il faut en profiter en tout cas pour eux. Depuis le début du championnat pour l'Atlético Madrid, c'est 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, effectivement. Ils ont du mal à se le lancer. Ouais. Un lancement un petit peu difficile, mais une équipe avec beaucoup de potentiel, je pense, qui a fait des bons choix de recrutement. Hein. Je pense à Rodri au milieu qui jouait à Villarreal, à Thomas Lemar, bien sûr, un autre français. Puis le retour de Costa en janvier dernier a aussi été une très bonne solution. Et donc l'Atlético peut être tout à fait une équipe qui tiendra la route sur, comme depuis plusieurs saisons, hein, de toute manière, dans la lutte pour le titre face au Real ou au Barça. La baguette. Faudra voir justement pendant combien de temps il faudra au Real et au Barça pour véritablement se lancer, si ce n'est pas le cas. Il reste sur une saison un petit peu difficile avec quelques accros, l'Atlético sera dans la bataille. Concernant Séville, je suis pas forcément d'accord avec toi. Par contre, Tim, il y a eu un tout début de saison un petit peu compliqué, mais ouais, là ils sont vraiment lancés, notamment sur leurs trois derniers matchs, hein, victoire 6-2 contre Levante, la victoire 3-0 contre le Real, et je me rappelle plus du score, mais ils ont gagné à l'extérieur et assez facilement encore ce week-end. Donc Séville plutôt en forme, le Betis Séville aussi, donc les deux équipes sévillanes, hein, qui est Betis Séville qui est actuellement 5e du championnat et qui jouera à l'Europa League cette saison. Et donc l'Atlético Madrid, donc je le disais, quatrième. Concernant les équipes dont le classement pour le moment peuvent nous surprendre, vous les avez citées, hein, des gros normalement de ce championnat d'Espagne. Villarreal est 11e et plus inquiétant pour le moment, le FC Valence, pourtant auteur d'une grande saison, 14e du championnat avec seulement 8 points. Et l'Atlético Bilbao aussi, hein, sachant que vous en parlez, je vous donne leur classement, qui sont seulement 15e de ce championnat avec 7 points et un très faible bilan de 1 victoire, 4 nul et une défaite, donc ils perdent pas souvent, mais ça gagne pas. Ah, ça gagne pas non plus. Donc un petit peu difficile, et puis après j'en profite à voir la page Liga pour parler de ma petite équipe, le Real Valladolid, qui a redécouvré la Liga cette saison, qui a eu un début difficile, solide, un petit peu à la Montpellier-Rennes, j'ai envie de dire. Pas beaucoup de velléité offensive lors des premières journées, mais des qualités en tout cas de solidité indéniables, et le Real Valladolid qui était 20e après la victoire de Leganés, donc en milieu de semaine, donc après le début de la journée de milieu de semaine, et suite à ces deux victoires, se retrouve propulsé à la 8e place, ce qui permet aussi de montrer que ce championnat d'Espagne pour le moment est très ouvert, a du mal à se dessiner. Il y a peu d'équipes qui gagnent et qui arrivent à enchaîner. C'est ça, exactement. Donc ce championnat d'Espagne s'annonce plus ouvert que jamais, avec bien sûr un trio qui est parti pour dominer, hein, Real, Barça, Atlético, mais avec de nouvelles forces en présence pour ces trois équipes. Donc je pense que ce sera tout à fait intéressant à suivre. Et pour la course à l'Europa League, c'est certain que à l'inverse, Valence, Villarreal et Bilbao ont pris du retard. Ouais. Tu peux continuer d'ailleurs sur un autre sport et sur encore... un Espagnol qui triomphe cette semaine, ce week-end plus précisément, donc dans les championnats du monde de cyclisme. Finalement, j'en parle, vraisemblablement. Mais oui, parlons-en. Mais tiens, avant de parler de celui-ci, je vais donner, mais en bref, je l'avais promis à Flo, les autres résultats quand même de ces championnats du monde. On va bien sûr parler des championnats du monde d'Innsbruck en Autriche qui avaient lieu tout au long de la semaine. J'avais cité les victoires finalement presque anecdotiques, hein, désormais du contre-la-montre des marques la semaine dernière. On a eu ensuite les contre-la-montre individuels qui ont vu la victoire de Juan Denis. J'allais faire le lapsus et dire Tom Dumoulin, justement non, pas celui-ci. Juan Denis qui l'a emporté et qui succède dans les grands rouleurs australiens à Michael Rogers qui avait été champion du monde, et Juan Denis après un très très grand contre-la-montre qui s'impose justement devant Tom Dumoulin et Victor Kampenaerts, magnifique podium il me semble, sachant que Victor Kampenaerts était champion d'Europe cette saison à Glasgow et que Tom Dumoulin est le vainqueur sortant. Et au vu de la performance de Juan Denis, dans un parcours pourtant difficile, moi je pensais qu'il allait plus satisfaire les qualités de Dumoulin, c'est une performance remarquable. Les autres résultats, c'est le triplé néerlandais chez les féminines en chrono, avec la victoire d'Annemiek van Vleuten. La victoire aussi néerlandaise lors de la course en ligne, et avec quasiment 4 minutes d'avance, je crois, d'Anna van der Breggen devant une Australienne, Amanda Spratt, et une Italienne. Oui. Je tiens à dire que Romain n'a absolument pas de fiche. Hein. Je les ai, mais je les regarde même pas. Ouais, j'ai la Liga en face de moi. Bon. maintenant. N'importe quoi. Non, mais il le dit, moi je l'aurais pas dit. Les deux autres courses dont je voulais juste toucher un mot pour donner les vainqueurs, c'est la course en ligne Espoir, qui a vu la victoire de Marc Hirschi, qui avait été champion d'Europe et qui a brillé une nouvelle fois avec une grande équipe de Suisse. Nos Français Champoussin et Paré Peintre font 12e et 13e. Surtout, l'autre course jeune dont il fallait toucher un mot, c'est la course junior, sachant qu'elle a vu la victoire, le sacre, tant en chrono que sur la course en ligne, d'un petit jeune qu'on voit comme un futur prodige qui se nomme Remco Evenepoel, qui avait d'ailleurs remporté haut la main les championnats d'Europe chrono course en ligne. Je pense qu'il faut être très agacé lorsqu'on est dans sa catégorie d'âge. Désolé, c'est moi qui fais rire Romain, et qu'on perd chaque course. Il est vu comme un futur cannibale du cyclisme et il sera dans l'équipe Quick-Step la saison prochaine. C'est un Belge, bien sûr, que Sky a voulu ravir au Quick-Step comme d'habitude. Donc très intéressant de voir l'année prochaine ce coureur évoluer. Et puis bien sûr la course en ligne, on y vient, qui a vu la victoire. Vous vous en doutez, moi ça me fait plaisir. Ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais peu importe. Je te donne une carte blanche. D'un grand champion, Alejandro Valverde, qui l'a emporté dans une course très intéressante. Le parcours, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, s'annonçait assez dantesque, avec sept côtes, la montée vers la station d'Eagles, qui a décanté cette course petit à petit, après une échappée de 11 coureurs. Par la suite, on a eu plusieurs coureurs qui ont perdu toute chance de l'emporter. Je pense tout d'abord à la chute de Roglic et celle de Miguel Henry de Lopez. Plus tard, d'autres coureurs qui ont disparu et presque trop tôt, je trouvais, par rapport Simon à ce qu'on Yates, pouvait par penser. Exemple, Simon Yates, par exemple. Katowski. Vainqueur de la Volta. Katowski. Wout Poels aussi, qui avait été mis dans les outsiders, dans une très, très bonne équipe néerlandaise. Wout Poels, justement, au moment où l'équipe néerlandaise a accéléré, dans le dernier passage à Côte d'Eagles, avec Sam Omen et Antoine Toulouk. Et par la suite, la course s'est vraiment jouée dans la côte la plus difficile, qui était ajoutée au dernier tour, celle que je vous avais nommée l'enfer d'Oettinger, Oettinger Hall, avec des passages jusqu'à 28%, où nos Français ont été remarquables. Brillant. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Brillant. C'était magnifique de voir ces trois Français. Et puis des Français capables aussi, contrairement à ce que faisait des fois l'équipe Movistar. Est-ce que je peux faire le rabat-joie? Vas-y, mais non victorieux. Oh, mais Flo, laisse-nous qui ont eu le mérite. On avait la peur, je pense, en tout cas moi je l'avais, de trois leaders qui auraient pu un petit peu se courir les uns les autres après, et qui l'ont joué collectif, avec Thibaut Pinot qui s'est vraiment sacrifié dans la dernière côte, et Romain Bardet normalement qui était là, je pense, vraiment pour Julien Alaphilippe, pour emmener Julien, c'était sûr. Et celui-ci n'a pas pu tenir. Alaphilippe n'a pas pu tenir alors que Romain Bardet était vraiment fort, et trois hommes se sont détachés dans ce final. Donc Romain Bardet, Michael Woods et Alejandro Valverde, ces trois hommes qui finiront d'ailleurs sur le podium dans Michael la descente. Woods, grosse surprise. Bon, Michael Woods, surprise, pour moi semi-surprise. Ah oui, semi-surprise, ouais, je suis d'accord. Parce qu'il fait deuxième cette année de Liège-Bastogne-Liège, il gagne récemment une étape de la Volta où on sait qu'il y a des pourcentages aussi très difficiles, donc ça montrait ses qualités pour ce type de course. Et finalement, alors qu'on voyait des grimpeurs briller, on a vu des coureurs à l'aise en montagne, mais je trouve qu'on a eu des punchers un peu capables d'avoir des habiletés importantes sur Liège-Bastogne-Liège qui sont joués la victoire. Oui. Hormis Tom Dumoulin, qui est un vrai coureur de course de 3 semaines, qui a eu du mal sur cette montée très difficile, mais qui est revenu dans la descente. Et donc on a eu droit à un sprint à 4, hein. Tom Dumoulin a essayé de mettre une petite attaque, mais bien surveillé par Valverde. Toutes les responsabilités ont été mises sur les épaules du Murcian, mais c'était logique au vu de ses qualités au sprint. Il a démarré son sprint très tôt, de mon point de vue, 400 mètres, un sprint tout en puissance, et il l'emporte devant Romain Bardet, qui, je pense, a fait un des meilleurs sprints de sa carrière et qui ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Alors, Flo nous dit non victorieux, mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Au-delà de la victoire d'Alejandro Valverde, après toutes ces années de belle carrière et 15 ans après son premier podium en 2003, est-ce qu'on peut être satisfait de cette course des Français ? Je sais qu'on voulait un champion du monde français, mais on a eu quand même une course magnifique et je pense qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Avec un Julien Alaphilippe un petit peu plus faible que ce qu'on en a espéré. Ben, satisfait, non, parce que malheureusement, l'équipe de France était favorite. Alaphilippe était le grand favori annoncé. Il était même, je pense, devant Valverde. L'équipe de France n'aura peut-être pas l'occasion de sitôt d'avoir un parcours comme celui-ci, du coup adéquat pour aligner des coureurs comme on a aligné, à l'image de Bardet, Pinot et Alaphilippe, sachant que Rudy Mollard et même tous les autres ont fait un gros travail avant. Il faut saluer ce gros travail de Thibaut Pinot là, dans la côte, justement, suivi par Bardet. Et puis malheureusement, Alaphilippe qui a peut-être pas supporté justement la pression qu'il avait sur ses épaules. Je l'avais annoncé, il arrive trop en forme. Il est arrivé, il a gagné le Tour de Slovaquie. Il a plus de confiance peut-être. Je me suis dit c'est trop beau là. Pour l'instant, il gagne tout avant d'arriver sur le championnat du monde. Il y a peut-être un surplus de confiance. Bon, du coup, il y a de la pression, hein, c'est sûr. Mais malheureusement, on attendait la victoire, on ne l'a pas eu. Oui, l'équipe de France a été belle, oui, on a vibré. On a la chair de poule quand on voit les trois dans la montée, qui montent tous les trois, c'est vrai que c'était plaisant de voir cette image-là. Mais malheureusement, le cercle n'est pas au bout. Bardet, avec l'effet d'optique à la fin, on a l'impression qu'il peut remonter sur Valverde. Je l'ai cru, hein, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ouais. Mais Valverde a été costaud. Et c'est pas, je suis pas trop déçu que ce soit Valverde qui gagne, parce que c'est mérité au vu de sa carrière. À 38 ans, c'est l'un des plus vieux champions du monde. Donc, le plus vieux derrière Zoutemelk. Donc effectivement, c'est un exploit à souligner. Et c'est en tout cas 7 podiums aux mondiaux. Personne n'en avait fait plus de 4, hormis Alejandro Valverde. C'est son 7e. Il avait fait 6 fois argent ou bronze. Cette fois-ci, c'est l'or mondial, la consécration de sa carrière. Il voulait gagner un Tour de France et ou un championnat du monde. Le Tour de France ne sera sans doute jamais le cas, mais championnat du monde, c'était sans doute la course vraiment faite pour lui, et il finit par l'emporter. Voilà, la consécration de sa carrière, il pourra en profiter la saison prochaine, et il a dit en tout cas qu'il serait là au moins Chill jusqu'au... Ah, j'aimerais bien, moi. En interview, il n'y a pas de souci, même en espagnol, pas moi. Mais jusqu'à Tokyo 2020, jusqu'aux Jeux Olympiques. D'accord. Il l'a assuré, donc jusqu'à ses 40 ans, tel un Chris Horner. Voilà. Mais magnifique champion. Il a en tout cas dit que c'était... Je crois qu'il a dit que c'était le plus beau titre de sa carrière. En tout cas, il était mieux au Lard. Moi, en tout cas, après, on peut en dire ce qu'on veut. On ne va pas débattre maintenant, en plus, on n'a pas le temps. Mais Valverde mérite sa victoire. C'est un très beau champion. Il est unanimement apprécié dans le peloton. Après, on peut penser de l'extérieur ce qu'on veut, mais il est très apprécié dans le peloton. Peter Sagan était ravi que ce soit lui et son successeur, et justement je trouve que cette image de fin où Peter Sagan lui-même, triple champion du monde consécutif, lui remette la médaille, était une image très forte. Et qu'Alejandro Valverde, qu'on le veuille ou non, fera un très très beau champion du monde, et je pense même un des plus beaux qu'on a eu ces dernières saisons, avec un certain Peter Sagan. On va continuer pour terminer, et très rapidement, sur les autres sports, quelques résultats pêle-mêle. Que tu as noté, qui pourraient être plus intéressants que d'autres. J'ai noté notamment qu'il y avait eu ce week-end, les championnats du monde de canoë kayak, et avec deux titres importants d'une Australienne, Jessica Fox, en canoë et kayak, du coup catégorie C1 et K1, ce qui est de ce que j'en ai compris, je ne suis qu'amateur de cette discipline, un résultat assez important. Qu'on ne pouvait pas forcément trop voir venir, imaginer pour cette championne, qui en plus, petite anecdote, est née à Marseille. Et d'origine australo-franco-australienne, ou australo-française. Donc ça pourra nous faire plaisir dans ces championnats du monde de kayak, parce qu'il y a eu une médaille d'argent, je sais, en français pour le double mixte monoplace, mais sinon on n'a pas fait de grosses performances, à l'image de Denis Gargaud-Chanu, qui avait été médaillé olympique et qui a fini dernier de la finale. Donc c'est une belle perf pour cette Australienne où il n'y avait pas d'autres Françaises en finale, mais qui est d'origine française. Ensuite, je voulais faire part de deux titres importants. Un titre en basket féminin. Je vous ai dit qu'il y avait les championnats du monde tout au long de la semaine. Et ce sont les États-Unis, sans surprise, j'ai envie de dire, qui remportent le titre en finale contre l'Australie à Tenerife aux Canaries. Invaincu depuis 62 rencontres ou un truc comme ça, 50 rencontres sur le circuit, c'est un truc de fou. Depuis 12 ans en championnat du monde. C'est ça, trois fois championne du monde d'affilée. Enfin, bon, à côté de l'All Black, c'est une équipe normale, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. C'est des copines. Et puis en plus, il faut savoir que dans cette finale, j'ai plus le score exact, mais lors du dernier quart-temps, elles ont pu faire tourner. Donc en finale. Tout va bien. Au final, ça montre quand même les écarts entre les équipes. L'Espagne finit 3e en remportant le match pour la troisième place contre la Belgique. Et notre équipe de France, c'est ce qui nous intéresse, termine 5e, un peu loin de son objectif de podium. Elle perd justement en quart de finale contre la Belgique. Et assez sèchement. Petite revanche. Ouais, une petite revanche au basket féminin. Après, lorsque je suis allé chercher, déception certes, mais c'est quand même le meilleur résultat pour l'équipe de France depuis bien longtemps, cette cinquième place. Et pour ce qui est d'un podium en championnat du monde, alors que pourtant on a terminé sur tous les podiums européens en basket féminin depuis 2009, il faut remonter à 1953 pour un dernier carré pour l'équipe de France. Donc c'était quand même un objectif certes, mais un objectif quasiment hors de portée. Enfin, un autre sport dernier. Collectif, il y en aura en une phrase, mais parce que j'ai lu qu'il était considéré comme oublié par toute la presse internationale, et donc il faudra le donner. Je voulais parler juste en volley, de la victoire de la Pologne, qui a été sacrée championne du monde de volley masculin. Elle a battu en finale le Brésil et a conservé donc le titre qu'elle avait l'année il y a 4 ans. Les États-Unis décrochent le bronze en battant la Serbie. Et il faut rappeler que la France ne faisait pas partie de ce Final Six qui était à Turin en Italie, mais avait dans son groupe la Pologne et la Serbie, donc était dans une poule relevée, sachant que la Pologne l'emporte et la Serbie finit 4e. Et la Pologne qui rejoint le Brésil en nombre de Coupes du Monde gagnées, 3 je crois. Exactement. Et oui, le dernier résultat donc que je souhaitais donner, c'était de la moto, parce que j'ai pu lire que la pilote espagnole Ana Carrasco était devenue ce week-end à 21 ans, à peine la première championne du monde de moto, toutes catégories confondues, en Super Sport 300, et je veux dire en moto, donc mixte, il n'y avait que des hommes face à elle. Donc troisième catégorie du Superbike, et donc c'est la première femme à ce niveau-là en moto, et elle a été félicitée notamment par le champion du monde Marc Marquez, je cite pour terminer cette rubrique. Coucou, félicitations, Rico. Tu écris l'histoire, merci de montrer à tout le monde que la moto n'est pas qu'un sport de garçon. Voilà. Fini sur une première sport féminin. Quelle belle maxime. On termine sur ça pour les résultats de la semaine. On parlera, ne vous inquiétez pas, de Formule 1 dans la deuxième partie d'émission. Quant à nous, on passe au sport montpelliérain tout de suite. Sport and Chill, le sport montpelliérain. On va changer un peu les programmes, on va peut-être pas parler du MHR puisqu'il y a une grosse actualité au niveau du football. On va peut-être plus parler de... On va parler du MHR évidemment, mais on va pas faire un focus là-dessus, on va faire un focus sur MHSC Nîmes. Moi je commence peut-être avec le MHSC féminin cette fois-ci, qui, vous le rappelez, on va vous le rappeler, était en posture... En baisse de forme. Oui, on va dire ça. Très délicate. Une baisse de forme assez importante. Ouais. Et en déplacement donc, sur la pelouse du stade Léo Lagrange de Soyo, donc, qui est a priori plutôt abordable, les féminines n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout. L'unique but montpelliérain s'est concrétisé sur pénalty par Clarisse Lebihan. Le MHSC féminin pointe à la 9e place de Division 1. Les filles se déplaceront donc dans 2 semaines. À Lyon. Donc, la boucherie est... Ça va sembler compliqué. Là, parce que... Le MHB, semaine très compliquée également. On commence par les défaites, malheureusement, dans les résultats montpelliérains. Le MHB a fait 2 défaites donc contre Nantes, 31-28 en clôture de la 4e journée de l'Idol Star League. Jusqu'à 10 minutes de la fin, le MHB était toujours en place, tant physiquement qu'au niveau du score, avant de succomber face à un ancien montpelliérain, Arnaud Siffert, qui s'est illustré avec 13... Il va falloir Siffert, hein. Ouais. Oh. Classique, mais il fallait la faire classique, quand même. Mais tant qu'elle est bien placée, elle reste appréciable. Merci. 13 arrêts sur 29 tirs, donc un petit 45%, ce qui est pas mal. Première défaite de la saison en championnat, mais deuxième défaite de la saison en Ligue des Champions. Et une première ratée à la Sud de France Arena avec une défaite 29-26 contre les Polonais de Kielce. les anciens champions d'Europe il y a deux ans, face aux champions d'Europe en titre. Il y a deux ans. Donc 7e sur 8 au niveau du classement pour les Montpellierains. C'est compliqué, pas quoi de se faire peur, on va dire, mais une petite inquiétude quand même pour le, bon, on peut pour dire la, que dans, pour le Champions League. Dans une poule haute où les plus faibles derrière toi sont censés être Kristianstad et Meshko Brest, on peut se dire qu'il y a encore de quoi voir venir. Il faudra capitaliser par contre face à ces deux clubs. Sachant qu'on a déjà perdu chez eux. Voilà donc l'un à l'extérieur et l'autre à domicile, je crois. Voilà. Après, le reste, c'est que du haut niveau. Hein. Veszprém, qui le sait, le Barça, Rijnekar. Ça va être compliqué. Je le sens pas trop. Autant se dire que si une prochaine défaite pour le quatrième match de Coupe d'Europe, je pense ça va être. Attendons de nous mettre en marche. Après, début de saison, on peut le dire. Tu sors, t'es champion d'Europe, t'as fait une saison de dingue l'an dernier. Canaille l'a dit, exceptionnel. Il faut que tu t'y remettes physiquement, mentalement, psychologiquement. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Espérons que le trou d'air ne dure pas jusqu'au bout. J'espère que les. Parce que là, t'as Guigou, Trukanovicius. Qui est blessé là, qui sont blessés, ouais. Simonet qui était blessé. Simonet, voilà, qui était blessé, touché au mollet. Tu parles pas de Florian Mollet. Non, lui, il était en forme, ne t'inquiète pas. Il m'a mis un but à MPG, donc je confirme. Moi aussi. Non, pas un but. Il était tellement fort qu'il a mis un but. Ouais. Les gars, on en parlera après. On va terminer avec les défaites, malheureusement. Et on en a parlé la semaine dernière du baseball qui était en demi-finale du championnat de France. Et fin de l'aventure, hein, malheureusement, pour le Barracuda qui s'était hissé jusqu'en demi-finale, mais s'incline sèchement au troisième match 9-0 face à Montigny. Aïe. Les Montpellierains en souffrance, puisqu'ils étaient en effectif réduit lors de ce match, pendant une bonne partie de ce match, et qui donc. Se termine donc en demi-finale de ce championnat. On passe avec les résultats un peu plus détaillés. Non, peut-être pas détaillés, mais plus glorieux pour le sport montpelliérain, puisque c'est des victoires avec les Vipers. On va commencer par ça. Devant 950 spectateurs, les Vipers se sont imposés pour la première fois de l'année en division 1 contre Chambéry. 8-1, un soulagement pour le club qui avait perdu ses deux premiers matchs en championnat. Un score assez large, même s'il fut tardif à se dessiner. Leur prochain match, c'est le 13 octobre en déplacement à Briançon. Ce sera pas la même chose là-bas. On continue avec Du défenseur de Nîmes, j'espère. Non, du tout. Je vois que tu as vu le match également. Je l'ai savouré. En futsal, victoire en terre corse du MMF Montpellier Méditerranée Futsal avec un 6-0 contre l'Entente Furiani. Une victoire ponctuée d'un quadruplé de El Mesrar après deux matchs, donc deux cartons. Le MMF est solidement accroché à sa première place et postule pour remonter en première division l'année prochaine. Prochain match ce samedi à domicile contre Vénissieux. Le MRC, je sais que tu adores ce club, ou le MHR féminin toujours. C'était plus qu'un carton là. Ouais. C'était. Ça a été. Je sais pas comment on peut appeler ça. Une hécatombe. Une hécatombe pour Villelonguet qui était en face. 91-10. C'était la troisième journée d'élite féminine ou de top 16, comme vous voulez. Ça monte peut-être l'écart. Ça monte un peu les limites de ce top 16. Ouais. Le MHR féminin se place évidemment en première place de leur groupe. Il y a une joueuse qui a mis 6 essais. Voilà. Et un prochain match le dimanche 14 octobre en déplacement au club de Romagna, qui est l'SM Clermont. Voilà pour le MRC. On continue avec le MHR, du coup, avec toi, Paul. Ouais, le MHR qui s'est imposé à Perpignan dans le derby d'Occitanie. On peut dire ça. Yes. L'autre derby. Ouais, on peut plutôt dire l'autre Roussillon. Parce que Occitanie, c'était plutôt Toulouse. J'ai un peu de mal avec les deux. Occitanie, lui, ça va pas être content. On peut dire l'autre. Ah, si, justement. Ils voulaient. L'Angleterre-Poussillon, ça leur allait. Donc, Montpellier qui s'impose 23-20 à Perpignan. Montpellier qui a construit son match, qui a été très bon pendant. Enfin, qui a été très bon. Qui a été bon pendant 70 minutes sous la pluie, ce derby, malheureusement. Des essais signés. Le premier signé Kélan Galtier après un maul. Yann Serfontaine après une superbe action initiée par Gouzen qui perd, suivi de Galtier, Reya qui poursuit au pied pour Serfontaine. Et enfin, un dernier essai côté Montpellierin. Son nom Jimmy Naguza, voilà, après une superbe passe au pied de Gouzen. Et côté catalan, on a réagi malheureusement dans la 10 dernières minutes, c'était un peu trop tard, avec les essais à la 75e et à la 80e, les essais d'Acebes et Bachelier. Heureusement que le match est terminé après ça, parce que je pense que les Catalans étaient sur une bonne dynamique. Bonne lancée. Ouais. Et je pense que si les matchs avaient duré un peu plus longtemps, ça aurait pu être fatidique ou fatal à Montpellier. Le problème, c'est qu'un match de rugby, c'est 80 minutes. Quoi. Tu as tout à fait raison. C'est ce que j'allais dire, je pense aussi. Sauf pour France Galles. Ils ont relâché, je pense, Montpellier. Ils se sont peut-être relâchés parce que c'était la fin de match aussi. Peut-être, oui, peut-être aussi, mais. Après, c'est pas une bonne chose, c'est clair. On avait vraiment le match en main et on se l'est un petit peu compliqué. On a offert un point de bonus défensif, tant mieux pour les Catalans. Ouais, voilà, bien besoin. Au moins, tout le monde est content. On peut pas réagir plus à cette actualité. Non, on passe plus qu'on va réagir au football et notamment au MHSC. Bon, on va passer le match nul à Caen cette semaine avec un 2-2. Et surtout pour parler du match d'hier à 17h avec la victoire dans le derby contre les voisins nîmois avec cette victoire 3-0, but de Laborde, Delors et Oyongo qui avait ouvert la marque. En dehors des incidents, qu'avez-vous pensé de ce match et notamment, peut-être on peut parler des Montpellierains plus que... Un des matchs les plus aboutis qu'on a vu depuis l'ère d'Azagrayan au niveau du jeu Montpellierain. Ah, pour moi, c'est le meilleur match de la saison de Montpellier. Ça oui, ça c'est sûr. Même depuis un certain temps, au niveau de l'animation offensive, ouais. T'as un nombre d'occasions qui est impressionnant. Une barre transversale de Delors, de Florent Mollet de 40 mètres qui est monstrueux aussi. On peut dire que même au niveau de l'animation offensive, on a vu Mollet très intéressant d'animation, ah oui, qui a beaucoup décalé, beaucoup de décalage. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors Nîmes est passé complètement à travers. Ah oui, ça a été. Et c'est ce qu'a dit Blacker d'ailleurs. On n'a jamais vu. C'est le pire match, pire première mi-temps en tout cas qu'il a vu depuis qu'il entraîne Nîmes. Mais sinon, Montpellier a fait un match remarquable. Moi j'ai trouvé que, en tout cas, plusieurs choses très rapidement aussi. Excellente. Bonne performance de Montpellier que je devrais nuancer aussi parce que Nîmes, que j'ai trouvé extrêmement faible en première mi-temps surtout, et qui a été bon, notamment avec la rentrée d'Alioui et de notre attaquant dont j'ai oublié le nom. Bozok, ouais, dans les 10 dernières minutes, qui a montré un peu plus de velléité offensive. Mais sinon, l'opposition est extrêmement faible, notamment en défense. Mollet, encore une fois, a prouvé pour moi qu'il était absolument indispensable au jeu. C'est un vrai joueur de ballon, lui. Hein. C'est un vrai joueur de ballon qui joue vraiment avec la tête et qui est pour moi une des révélations de ce début de championnat, clairement. Vraiment vu une telle, je vais peut-être un peu être facilité, masterclass, je sais pas si on peut dire une masterclass, mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu un si beau match pour un joueur. Il est très agréable à voir jouer. Ouais. Pour un joueur pour l'instant lambda, puisqu'il vient de Metz l'année dernière, mais qui pour l'instant est un joueur lambda. Kevin De Bruyne de Montpellier. Ouais. C'est tout très bien résumé. C'est notre Kevin De Bruyne, modeste, du talent dans les jambes et bientôt à City, hein, c'est tout ce qu'on lui espère. tout cas Montpellier, oui, pour moi le meilleur match de ce début de saison que je nuancerai, donc je demande à voir dans les prochains matchs. Pour l'instant le calendrier était plutôt favorable aussi. Il ne faut pas oublier que des points ont été perdus très bêtement à domicile parce que tout simplement Der Zakarian n'a pas voulu jouer offensif et après un premier but s'est contenté de verrouiller et on a vu le résultat. Les gros arrivent bientôt, notamment Marseille en début novembre. Je demande à voir, mais en tout cas c'était plutôt positif et donc bonne prestation de Montpellier. Tous les joueurs ont répondu présent parce que dans un match à sens unique comme l'a été celui d'hier, il n'y a pas d'éléments négatifs à tirer. Tu vas pas sanctionner un joueur. Voilà. Juste si je peux rajouter un petit truc. Bien sûr. J'ai trouvé que pour une fois, on a tendance à critiquer le jeu de Montpellier, le fond de jeu, un petit peu l'animation offensive. J'ai trouvé que techniquement, les joueurs étaient vraiment au niveau. Au-delà de Florent Mollet qui a, je pense, survolé la rencontre et qui est un joueur esthétique et assez beau à regarder. Numéro 10 en. Exactement. Genre un électron libre un peu dans ce système avec un défenseur. Les deux attaquants, Delors et Laborde, mais j'insisterai quand même plus sur Laborde plutôt que Delors. Je les ai trouvés juste techniquement, toujours à proposer des solutions, en remise, en appel, qui se complétaient assez bien devant, alors que jusque-là, ils se marchaient un petit peu dessus. Donc voilà, je trouve que c'est un bon point positif d'avoir été au niveau technique, et ça faisait plaisir de les voir jouer comme ça, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'ils en sont capables, quelque part. Sans donner mon point de vue sur le match, terminer, juste pour citer du coup deux joueurs, après je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai été très satisfait aussi de la performance du capitaine Elias Kiri au milieu de terrain, qui a permis notamment dans cette première mi-temps de dominer assez facilement cette équipe nîmoise dans le jeu. Ouais, t'as l'air un peu sceptique, moi je pense vraiment. Moi j'aime pas trop ce joueur parce que mais je trouve pas du tout esthétique. Bah, j'ai trouvé qu'hier il avait fait un très bon match. Je trouve que le Talek a été plus important dans la récupération pour moi. Alors après, le Talek d'ailleurs fait partie des des révélations. Et puis bon, ça a été bien aidé par nos voisins nîmois qui ont fait leur moins bon match de la saison. Mais on n'a pas été mis en difficulté défensivement, et je pouvais avoir peur de l'absence d'un joueur comme Vitorino Hilton en défense. Et Pedro Mendes a su être dans les moments et importants. Le petit Koza aussi. Et Nicolas Koza aussi, des leaders dans cette défense. Donc ça montre qu'on a de la ressource sur le plan défensif. On sait qu'offensivement c'est moins le cas. Mais Laborde et Mollet, surtout sur ce match, se sont véritablement distingués. Donc je suis plutôt positif pour cette équipe, même si les gros viennent dans les prochaines semaines. Ouais. Très bien, Romain, merci. Puis gagner dans le derby, ça fait toujours plaisir. Pour ce mot de la fin, on va passer à notre première pause musicale. C'est Jazzy Bass avec featuring Nekfeu. Et le titre, Éternité. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées, à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. Je me sens comme si j'étais dans les nuages, mais c'est juste des ronds de fumée. Chacune de nos vies a son minutage de plus ou moins longue durée. Quand t'as pas grand chose tu partages, quand t'as rien t'apprends à t'en passer. Je vais pas regarder le temps passer, alors que je suis moi-même de passage, loin du paradis terrestre. T'as l'impression qu'on parodie tes rêves, dis-toi que tu pourrais déterrer tes ambitions, vois le bien s'emparer des ténèbres. Laisse-toi guider par tes intérêts, deviens celui qu'une simple lueur de soleil émerveille. Quel intérêt d'être surentraîné pour le sommeil éternel. Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme. Alors je garde les mains tendues vers le ciel comme un arbre. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées, à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien aligné, à part les planètes. Face à l'absence de lumière, les yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai gravé sur la pellicule tant de moments irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais. Je me sens invulnérable. L'amour t'apprend que le printemps ne dure qu'un temps. Va-t'en, pourquoi t'attends, t'as que 20 ans. N'attends pas que ça t'emmène la danse. Pas le temps pour les vacances, fais-le maintenant. Maintenant, pas demain, non, fais-le maintenant. Maintenant, mets les mains dedans, tu n'as pas le temps. Affronte quand t'es perdant, fuis le mal en tapant sur les matons, t'es un abattant. Pas le temps, fais-le maintenant, c'est trop tard quand la mort tombe et que l'ennemi t'attend. Sous le matelas, y'a le peupon, il est pimpant, pam, pam, pam. T'entends le dernier battement, pam pam pam pour la tombe ou les matons. T'as mis, fais ce qui voit la presse. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de ce qui vient après. Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme. Alors j'garde les mains tendues vers le ciel comme un arbre. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées, à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées, à part les planètes. Face à l'absence de lumière, les yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai gravé sur la pellicule tant de moments irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais. Je me sens invulnérable. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité. De retour sur Sport & Chill, c'était Jazzy Bass pardon, avec Nekfeu et le titre Éternité. De son prochain album qui va sortir ce mois-ci. Très bien. Ok, et à Nekfeu ou à Jazzy Bass? À Jazzy Bass, qui sort son deuxième album solo. Ok, quant à nous, on passe au jingle débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est un débat de fond, pas forcément d'actualité, qui l'est un peu tout le temps, on va dire, d'actualité. C'est le fair play financier au football, un sujet qui je sais pas si on peut dire tabou, mais... Clivant. Clivant, tout à fait, c'est bien le terme. et qui n'a pas fini de parler de lui. Oula, décidément, j'ai du mal ce soir. Yacine, est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur ce qu'est le fair play financier, le FPF? Ah oui, alors petit rappel historique sur le fair play financier. Il a été instauré en mai 2010 par le comité exécutif de l'UEFA. Et en fait, le but est très simple. Il a pour objectif d'empêcher les dépenses excessives des clubs de foot. En tout cas, tous ceux qui sont qualifiés pour les Coupes d'Europe et donc qui sont censés avoir le Graal, à savoir la licence. Donc grosso modo, il ne suffit pas d'être qualifié via le championnat ou via des coupes en Coupe d'Europe. Il faut d'abord passer par l'octroi de la licence, et celle-ci se base notamment sur le fair play qui est simple. C'est une interdiction de dépenser plus que ce qu'il gagne dans le but de la qualification en Coupe d'Europe. Alors on estimait que cette année il y avait plus de 230 clubs qui sont touchés par ça. 230 clubs. Oui. Toutes compètes confondues. Okay. Donc, t'as pas le chiffre en Ligue 1, pas du tout. En tout cas, c'est tous les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, tout simplement. Ah oui, d'accord. Donc 230 clubs sur tout le continent. Donc ça part du champion de Malte au troisième d'Azerbaïdjan. Donc en cas de non-respect de ce principe-là, l'UEFA peut adresser des sanctions au club. Donc c'est échelonné selon la gravité de l'infraction. Ça va du simple blâme jusqu'à l'exclusion pure et simple des coupes, en passant par l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs pour participer aux compétitions européennes. Si je dis pas de bêtises, c'est le Spartak Moscou qui avait été exclu de compétitions européennes. Le Spartak, oui. Le Spartak, et puis plus récemment aussi la question, enfin ça m'a touché parce que je suis supporter du club, mais le Milan cette année a été inquiété par rapport justement au remboursement de la dette qui avait été contractée par le propriétaire chinois. Je sais pas si on pourra en parler tout à l'heure, mais on notera quand même que les clubs touchés ne sont pas forcément les clubs les plus influents peut-être dans le monde du sport, mais peut-être les sanctions seulement sont... Alors en fait, pour aller au-delà de ce principe-là, l'UEFA en juin 2015, alors c'était en juin, ils ont actualisé le règlement par rapport à l'assouplissement de la règle par rapport aux nouveaux propriétaires. Donc les clubs qui sont un peu pénalisés et qui ont été rachetés peuvent dépenser jusqu'à 5 millions de plus que ce qu'ils gagnent par période. Sur 3 ans. En fait, le principe est simple. On va calculer les dépenses et les rentrées des clubs sur une période de 3 ans, donc 2015-2018, 2018-2021, etc. 3 exercices, donc. Voilà. Donc, il y a une limite. Il a été instauré que jusqu'en 2015, elle était de 45 millions. Et entre 2015 et 2018, jusqu'à 30 millions. Et en fait, ces sanctions aussi peuvent intervenir dans différents domaines. Et là, c'est là où ça va être aussi un sujet de discussion. Les sanctions peuvent concerner les dépenses pour les centres d'entraînement, la formation et le football féminin. Ouais, voilà. Alors voilà, je vois où tu veux en venir, c'est que les clubs qui vont essayer de jouer sur d'autres tableaux, développer une équipe féminine, développer un centre de formation, ils peuvent être punis à cause de ça, justement. Voilà, alors grosso modo, c'était aussi le but de ma première question. C'est débile. L'UEFA annonce officiellement que j'avais lu le règlement de juin 2015 qui parlait du fair play financier et qui l'instaurait. Ce règlement est toujours le même. Il disait officiellement, il existait déjà des gros clubs et des petits avant l'instauration du fair play. Et puis juste après, t'as un article qui parle de ça et des dépenses qui pourraient être sanctionnées par l'interdiction de voter un budget pour le foot féminin, etc. Alors bien évidemment, ma question c'est est-ce que c'est pas à double vitesse, évidemment, parce que je prends un exemple extrême, le centre de formation du Shérif Tiraspol. Imaginons que voilà, un actionnaire en Transnistrie. Voilà, vous me perdez, j'imagine donc que le président du Shérif Tiraspol dépense et dans une infraction de 20 millions, recrute pour 20 millions de plus que ce qu'il a vendu. Est-ce qu'il est quand même honnête, plus sérieusement, quand même, d'interdire le centre de formation de développer en ayant un budget conséquent, quoi? On sait très bien que le Barça ne sera pas touché par ça, par exemple. Ouais. Attends, quel est votre avis? Par exemple, le PSG a une équipe en Ligue 1, une équipe évidemment avec un gros budget, etc. Ils ont un centre de formation qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont aussi dégagé un budget pour l'équipe féminine. Oui. Et ils pourraient être blâmés parce que justement ils ont un trop gros budget pour le féminin. Alors en fait c'est l'endettement, c'est pas le budget en soi qui est concerné. C'est que grosso modo c'est une équipe, je crois que Paris, je vais regarder, mais avait dépensé pour plus de 300 millions, non, plus de 500 millions sur les 3 années 2015-2018. S'ils ont dépensé, s'ils ont vendu pour moins de 500 millions, leur budget pour le centre de formation peut être sanctionné par l'UEFA. Parce qu'on pourrait aussi tourner le problème dans l'autre sens. On pourrait se dire, au contraire, ils font l'effort de développer un club féminin. Justement, c'est là que c'est là, ça pose problème, le règlement, c'est mal fichu. Alors, tu peux comprendre dans le sens où ils investissent toujours plus pour avoir toujours de plus en plus de bénéfices en investissant dans le sport féminin, tu vois. Mm. Mais au contraire, je trouve que si tu veux démocratiser le foot à l'échelon féminin et que tu veux renforcer la féminisation du football, oui, ça passe par là, oui, c'est intéressant de passer par là, tu vois. Oui, oui. Donc oui, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Oui, sinon c'est sûr que si t'es une équipe moyenne, tu te concentres sur l'équipe masculine, tu vas essayer de la rendre compétitive et bon bah voilà, et tu joues pas sur le tableau foot féminin qui on le sait te rapportera beaucoup moins que le foot masculin en termes de retombées économiques, que ce soit marketing et aspect purement économique en termes de budget, est-ce que tu peux retirer des résultats sportifs match. Alors bien évidemment, là c'est un autre domaine, mais c'est toujours dans le domaine financier et commercial, ce qui intéresse l'UEFA en tout cas. Il faut bien distinguer la dette brute de la dette nette, c'est-à-dire que la dette nette concerne essentiellement les dépenses, tandis que les dettes brutes, c'est plutôt les intérêts qui sont contractés à des sociétés, etc., et auxquels l'UEFA ne s'intéresse pas forcément. Alors j'ai quelques chiffres qui pour le coup sont assez énormes, et j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Alors grosso modo, l'UEFA n'a pas pénalisé un club comme l'Atlético de Madrid qui avait 213 millions de dettes pour 211 millions de budget. Mmh, bon. Valence en avait 200 pour 130 millions. Marseille par exemple avait 172 millions de dettes pour 180 millions de budget. Alors le pompon, c'est par rapport à l'endettement du club, c'est Chelsea. La dynastie Abramovich, depuis qu'il est arrivé, Chelsea a accumulé jusqu'à 1,3 milliard d'euros. De quoi? De dettes? De dettes. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Pourquoi? Roman Abramovich. C'est du génie de faire ça aussi. C'est du génie. Alors ça, c'est. Après, c'est encore une question. C'est pourquoi l'UEFA a encore une fois fermé les yeux? Roman Abramovich, pour dissimuler cet endettement, est passé via ses sociétés écrans pour transformer la dette. Alors ne me demandez pas comment il a fait ça, je ne sais pas. Il a transformé la dette en prêt gratuit. Yes. Sans intérêt. Ok. Voilà. Que le club remboursera plus tard lorsqu'il le vendra. Et donc pour l'instant, c'est pour ça, alors que Roman Abramovich a une idée de céder le Chelsea au bout d'un moment. Voilà, absolument. C'est-à-dire pour l'instant, on peut présumer que le 1,3 milliard est beaucoup plus conséquent. Et pour l'instant, officiellement, ça reste un prêt. D'accord. Alors, une dérive financière. C'est une dérive financière. Ce qui fait donc qu'on a un exemple de club qui est sauvé entre guillemets à court terme du fair play financier, qui peut faire globalement ce qu'il veut. Mais je trouve ça d'ailleurs assez risible et terrible pour les supporters du club, pour les gens qui suivent Chelsea, c'est qu'au moment où Abramovich il en a fini avec son jouet, j'ose le dire comme ça, il le lâche, et puis le club là est dans une situation qui peut être très très compliquée. Parce qu'il faudra bien le justifier à un moment donné. Oui, parce que c'est qu'une solution temporaire. Devrait rembourser le prêt, techniquement. Hein. Et au-delà, par contre, de cet exemple, voilà, qui reste qu'un exemple, ça montre bien aussi que le fair play financier, bon voilà, moi je suis allé lire la petite définition que tu as donnée au début. Bah, sur le papier, ça paraît très bien si on va pas chercher les détails. Non, mais le but, c'est de résorber les inégalités et qu'il n'y ait pas de club qui fasse des excédents de la folie sur le marché ou qui dépense plus que ce qu'il gagne. Et pour quelque chose qui pourrait être très compliqué, justement, c'est très logique et simple. Mais il y a des dérives qui sont importantes. Et au vu de ce qu'est la réglementation, en plus, on arrive à la détourner un petit peu comme on veut. Et on se retrouve avec des clubs, effectivement, qui se retrouvent, eux, dans la tourmente, et à l'inverse, d'autres qui sont dans une situation financière aussi inquiétante et anormale pour le football européen, et qui arrivent à passer outre toutes les sanctions éventuelles. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me dérange. Et c'est un petit peu dérangeant. Il y a un truc qui me dérange dans ce fair play financier, c'est qu'il n'y a pas d'effort de proportionnalité. C'est-à-dire que si un club moyen d'un championnat, je sais pas, mettons, championnat turc, a un excédent de 10 millions, bah, il sera quand même sanctionné par rapport à un gros club qui aura un excédent beaucoup plus important, mais qui aura aussi en même temps beaucoup plus de retombées économiques. Donc je trouve qu'il y a excédent, pas d'excédent, non, une dette, tu veux dire. Pas déficit, mais déficit, c'est pas voilà, un excédent. Bah, en déficit, pardon, non pas excédent, effectivement. Mais du coup, ouais, je trouve qu'il n'y a pas de proportionnalité et bah, les gros clubs s'en sortiront toujours de cette façon. Parce que c'est des clubs qui sont super performants sur tout ce qui est aspect marketing. Un club comme Chelsea, même si Roman Abramovich est en train de faire des dérives financières, je m'inquiète pas forcément pour eux, parce que c'est un club qui aura toujours des résultats sportifs probants, à moins qu'il y ait un incroyable choc. Je vois pas comment. C'est des clubs qui sont faits pour perdurer dans le temps, quoi. Donc bon. Et d'ailleurs, il est dit que le fair play financier vise à l'origine à mettre fin à certaines pratiques qui touchent normalement principalement les grosses écuries européennes. Et à l'inverse, beaucoup de détracteurs vont dire, et globalement à raison avec les exemples que tu donnes, que ça favorise les grands clubs européens plus que ça les met devant leurs responsabilités. Mm. Alors en fait, désolé, je suis en train de parler en langage des signes avec Yacine. Il faisait du morse, donc je ne comprenais pas. Non, ce que je voulais aussi dire, c'est que pour moi, et c'est encore une question, c'est un débat que je lance comme ça, pêle-mêle. Attends, mais juste, Max, tu veux dire un truc, je crois, par rapport à réponse à Flo. C'est juste par rapport à ça, c'est que les gros clubs peuvent camoufler par beaucoup plus de manières leur déficit. Ah, en que fait, les petits clubs. Bien sûr, parce qu'en fait, on crée des sociétés d'écran, des choses comme ça. Voilà, exactement. Et puis en plus, l'UEFA n'interdit pas les contrats de sponsoring. Et en fait, le droit à l'image, parce que c'est aussi une question juridique en réalité, le droit à l'image de la personne, en tout cas du salarié. Il faut savoir que des fois, des joueurs n'appartiennent officiellement pas à des clubs. Mais à des sociétés pétrolières, des sociétés, et à des personnes évidemment qui détiennent leurs droits, alors peut-être pas à 100%, mais à des personnes morales en fait. Exactement. Ce qui fait que le fair play financier ne s'immisce pas dedans. En tout cas, l'UEFA le dit, et l'UEFA a officiellement dit, en fait, dans ses statuts qui réglementent le fair play financier, qu'il supplie depuis des années la FIFA de réglementer ça. Alors, bien évidemment, ça, c'est du formel. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce que je voulais également ajouter, c'est qu'on... Moi, j'aurais été plutôt favorable à cette mise en forme du fair play financier si elle avait été aussi échelonnée sur le chiffre d'affaires, parce que les chiffres sont hallucinants pour les gros clubs. Après, évidemment, ça dépend toujours de la valeur du club, mais j'avais vu que le Real Madrid et le Barça, pour l'an dernier, l'exercice 2016-2017, qui était arrivé en septembre dernier, parce que pour 2018, ça n'a pas encore été fait, le Real Madrid a fait un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros, et le Barça, 708 millions d'euros. Alors évidemment, si on échelonnait le fair play financier sur le chiffre d'affaires, je pense que ces clubs-là auraient été peut-être un peu plus contrôlés. On voit que... Ça voudrait dire qu'ils auraient pu investir 700 millions d'euros dans un, potentiellement, un joueur, par non, mais potentiellement. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi qu'ils vendent. C'est une balance d'équilibre. Voilà, parce que c'est ça que je ne comprends pas. Tu parlais tout à l'heure de l'Atletico, qui n'a pas été sanctionné parce que pour 2 millions, à peu près 2 millions, ils avaient 213 millions de dettes et 211 millions de budget, ou je sais pas quoi. C'est ça. Paris, eux, avaient dépassé depuis 40 millions, je crois, de dettes en tout. Il me semble, oui. C'est-à-dire que le déficit était de plus de 40 millions et ils n'ont pas été sanctionnés. Non, ils n'ont pas été sanctionnés. Bon, après, ça a été remis sur la table cet été. Mais je crois que ça s'est joué à quelques millions. C'est pour ça qu'ils ont dû vendre Pastore et Krikoviak également. C'était encore pour enfouer le transfert d'Mbappé et de Neymar de l'an dernier. Parce que Mbappé, à la base, c'était un prêt par rapport à Monaco. C'est tout un montage financier qui a été créé en fait, par... Ouais, je pense que c'est pour retarder l'achat. C'est un truc de fou. C'est quand même lisser les achats sur... si tu t'achètes Mbappé 180 millions et que tu dis qu'il est pour 5 ans, tu divises par 5. Tu dis 30 millions par an. Okay. Et par rapport à la balance, c'est 30 millions sur l'année. Bah, d'accord, mais c'est un genre de remaniement financier. C'est comme quand tu as des prêts d'achat avec option obligatoire. Le club ne l'achète pas dans un premier temps, mais au bout d'un moment, il sera obligé de faire l'acquisition. Alors, bien évidemment, il y a aussi une autre disposition qui est prévue par l'UEFA, c'est le fameux Gentleman to Settlement Agreement. Petit nom barbare, mais. Voilà, moi je sais de quoi je parle parce que ça a concerné le Milan AC il y a deux ans lorsqu'on. Supporteur du Milan, toi. Je trouve que ça t'avait concerné toi directement. Ah, ça concerne ma personne, mon âme, tout ce que tu veux. Non, en fait, dès qu'un investisseur décide d'acheter le club, et ça a été le cas pour le Milan intégralement, le Chinois en question avait racheté le club dont la valeur est estimée à 740 millions d'euros. Attendez. Quand tu vois les Girondins de Bordeaux, la valeur, ça fait mal. Voilà. Alors, le fair play financier, le fameux propriétaire qui est parti cette année s'est engagé à résorber la dette de 200 millions d'euros du club et lui-même a emprunté 300 millions d'euros. D'accord. Donc pour rembourser la dette de 200 millions, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 100 millions dans les poches, au moins. Au fonds d'investissement américain qui a racheté le club cet été, lui a fait fermer les yeux. Et là où c'est drôle, c'est que le Milan AC en fait s'est engagé à faire passer son chiffre d'affaires de 270 millions à 500 millions en 3 ans. Lui a fait encore une fois fermer les yeux. Donc encore une fois, est-ce que ces chiffres comme ça annoncés sont... je trouve que personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on annonce un tel chiffre d'affaires en 3 ans, l'UEFA, comment peut accepter l'UEFA ne pas mettre en place des règles restrictives, quoi, qui soient vraiment clairement établies et dire, voilà, je sais pas, mettre une interdiction pas pouvoir établir de doubler son chiffre d'affaires par exemple, je sais pas, enfin ouais. Il y a des failles clairement dans le système. Ma question est peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que l'UEFA n'aurait peut-être pas encore poussé le bouchon plus loin et s'immiscer, je sais bien que les clubs ne refuseront toujours, mais de s'immiscer même dans le vote du budget du club? Oh. Ouais, je sais que c'est provocateur. C'est peut-être la seule solution. Non, ouais, c'est avoir un avis consultatif. C'est consultatif, c'est rien du tout en fait. Parce que là, ça veut dire que du coup, tu cadres le budget. Ouais, mais au moins, il y a un suivi, ouais. Tu vois. Au moins, il y a un suivi parce que je pense que dans certains cas. L'UEFA ou ferme les yeux, mais parce que est-ce qu'ils ont vraiment suivi le dossier, et j'en suis pas sûr. Alors après, moi je reviens encore sur ce qu'on a parlé avant, mais déjà si on n'arrive pas à établir un fair play financier 1.0, comment on peut établir un fair play financier 2.0, c'est-à-dire s'immiscer dans le budget d'un club? Déjà si on n'arrive pas à faire appliquer les règles de l'UEFA, qui sont pourtant même si elles paraissent compliquées, sont pourtant simples. Des statuts. Comment on peut essayer d'arriver, enfin de toucher au budget d'un club? Ça me paraît impossible, sachant que des présidents de clubs, on parle du Barça et du Real évidemment, mais on peut parler d'autres, sont beaucoup plus puissants peut-être que le président de l'UEFA. Donc moi ça me paraît impossible. Enfin, pas jouable, utopique. Ouais. Il y a peut-être aussi les questions des sponsors, parce que évidemment l'UEFA, les compétitions européennes sont aussi sponsorisées pour le marketing, etc. Et évidemment, si les sponsors sont communs à l'UEFA et à un club concerné, évidemment, on n'a pas le revers de la médaille, mais tout ce qui peut apparaître sur le dossier de l'UEFA, sur le site de l'UEFA, évidemment, le revers de la médaille, on ne le verra jamais. Quoi. Ouais. Et on sait très bien qu'il y a des arrangements. Bon, c'est comme ça que ça se passe, mais tout à l'heure. Schalke et l'UEFA. Voilà, exemple, et on parlait des sociétés écrans, etc., mais il y a des intérêts qui relèvent même de certains États. On voit bien que Paris aussi est embêté, la version officielle du club. On a vu, Romain, tu peux en témoigner, des querelles interposées entre Nasser El Khelaifi et Javier Tebas. Où grosso modo, voilà, Nasser avait laissé sous-entendre que les deux gros clubs espagnols voulaient la mort sportive du club. En tout cas, ils ne voulaient pas que Paris arrive au niveau où sont les deux clubs espagnols en Ligue des Champions. C'est encore, je pense que c'est au-delà de l'UEFA. L'UEFA a peut-être créé un monstre qui est en train de lui échapper, parce que ça se joue clairement au niveau des États, je pense. À ce niveau-là, on peut présumer que des présidents de clubs sont bien plus puissants que le simple monsieur Seferin. Une petite question de Guillaume qui demande si les sociétés écrans sont LED ou plasma. Merci Guillaume. Belle contribution, je vois, au débat de Guillaume, qui n'est pas présent mais qui voulait avoir une touche bien précise. Non, mais ce que tu dis sur les présidents de club est très très intéressant, et l'Espagne en est un exemple saisissant, parce qu'effectivement, que ce soit Florentino Pérez ou le président du Barça, Bartomeu, sont des personnes qui ont énormément de pouvoir, au-delà même de ce qui peut être l'apport financier qu'ils donnent dans le club. En Espagne, il y en a d'autres d'ailleurs. Hein. Les clubs fonctionnent de par les socios, hein, qui élisent le président du club de manière régulière. Donc en l'occurrence, par exemple, au Real, Florentino Pérez, qui a, c'est sûr, un poids considérable dans le football espagnol et dans des décisions qui peuvent toucher au transfert et jouer des jeux d'influence, que ce soit lui ou d'autres, et dans d'autres championnats, vis-à-vis des plus grandes instances. C'est sûr que un club comme le PSG, qui est un club naissant, ou c'est le cas aussi d'autres, peuvent eux se sentir lésés parce que les premières cibles, les premiers attaqués, alors que les grands clubs, les grandes entités du football européen ne sont pas attaqués. Après, on sait très bien qu'il y a des transferts qui ont posé question au Paris Saint-Germain et que eux aussi jouent avec les règles. Donc des fois, quand ils veulent se faire le bon apôtre de la morale vis-à-vis du football espagnol, où on ferait les choses pas bien et où on fermerait les yeux. Ouais, je crois que le transfert de Neymar de 122 millions d'euros, alors que le Real était dessus et pas forcément bien passé. Ce qui m'inquiète en tout cas, c'est que fair play financier, certes, il y a désormais, mais justement, on ne cesse d'avoir une inflation des transferts, comme on l'a vu année après année. On va arriver au même niveau que la bulle immobilière, il va y avoir une explosion et ça va se casser la gueule, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Mais le souci, c'est que. On peut le au top. Enfin, sous couvert de niveler un peu le niveau de. Florent Mollet, il vaut 50 millions actuellement, j'ai peur de vous le dire.

Flow hotter than anniversary candle wax. I'm feeling sorry for the competition, cause they lack originality, imagination, and style. I'm looking like a vet, and you've been at this for a while. 21 years old, nigga, no pressure. I cuff your bitch with ease, dog. I'm talking no effort. Don't be mad at me, bruh, cause she chose greatness. It was long overdue, cause you kept her waiting. She fell in love with my poetic flowing way with words. All this time you playing daddy, but the kid ain't even yours. De retour sur Sport and Chill, c'est Izia Rashad avec le titre Food for Flu, c'est ça? Ouais, Food for South. For South. Merci pour cet anglais magnifique. C'est bon l'anglais, Flo. Ouais, en effet. Niveau B2. On passe tout de suite au jingle par les Toe Chillers. La parole est aux Chillers. Et on va parler de Formule 1, on va parler un petit peu, faire un petit retour de minutes sur le GP qui a eu lieu ce week-end, et parler d'un homme en plus particulièrement qui a gagné d'ailleurs ce GP. Je te laisse, Tim, parler un peu de, ou peut-être ou Max, peu importe, sur le GP qui a eu lieu ce week-end. En quinconce. Ben ouais, l'homme en question étant Lewis Hamilton, le pilote anglais qui a donc remporté son 8e Grand Prix de la saison, 70e victoire en carrière. Pour donner un ordre d'idée, Schumacher en était à 91. Il s'est donc imposé à Sochi devant Bottas qui a terminé second et Vettel qui a terminé troisième. Et voilà, c'est un Grand Prix qui a un petit peu fait parler parce qu'il s'est imposé devant Bottas, mais Bottas était leader, enfin il aurait très bien pu terminer premier, mais c'est une décision de Toto Wolff. Voilà, il a dit que c'était la victoire dont je suis le moins fier. Il a déclaré ça. Oui, il a même fait venir Bottas sur la première marche du podium parce qu'il sait très bien que normalement il ne doit pas la gagner cette course. Est-ce que Bottas a tiré un coup de gueule ou pas? Non. Bah regarde la photo du podium. Regarde la photo du podium. Hein. Ouais, il tire la gueule. Ouais, il tire la gueule un peu. Ouais. Après c'est un Finlandais, il tire tous la gueule comme Raikkonen. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas les mecs les plus joviales de la terre. Après mais il peut pas se permettre de dire du mal de Mercedes aussi. Non. Dans sa position, s'il commence à parler, il va se faire survivre. Et donc voilà, au classement, Lewis Hamilton est premier avec 50 points d'avance sur Vettel, 306 points contre 256 pour l'Allemand. Bottas est en troisième, loin derrière avec 189 points. Ça se traduit par, Lewis Hamilton a 2 victoires d'avance sur l'Allemand. Sachant, pour vous faire un petit débrief de ce qui reste de la saison, il reste 5 grands prix, Japon, USA, Mexico, Brésil et Abu Dhabi. Hamilton a donc remporté 8. À titre de comparaison, Vettel c'est 5 grands prix. Sachant qu'il en reste donc 5, c'est quasiment gagné. Ouais, c'est un autoroute pour un. Ouais, c'est un autoroute pour un. Nouveau sacre, ouais. Pour un nouveau sacre. Ce qui serait un 5e titre mondial pour lui. Comme vous le savez, Schumi est à 7. Pour faire un retour sur la saison un peu de Hamilton, c'est une saison qui a démarré tardivement. Elle a mal commencé pour Hamilton. Il a eu pas mal de difficultés à s'imposer en début de saison. Sa première victoire, c'est en Azerbaïdjan où il ne mérite pas la victoire. C'est Bottas déjà qui doit gagner. Déjà, ouais. Ouais. Il crève 2 tours avant la fin, du coup il doit abandonner. Hamilton gagne grâce à ça. Ouais, du coup, en sachant que Bottas aurait été leader du championnat devant Hamilton. Et qu'à cause de ça, c'est Hamilton. Oui. Non, la hiérarchie est établie à partir de ce moment-là, quoi. À partir de ce moment-là, ça a commencé. Oui. Ça lance la saison d'Hamilton. C'est là où Bottas commence à freiner, alors qu'il a fait un très bon début de saison. Est-ce que si Bottas gagne, il peut passer. Il peut prioritaire. Pas numéro 1, non. Pas à ce stade de la saison. Ouais. Et puis Hamilton est trop introduit pour faire passer Bottas numéro 1. Ouais, ça reste quand même un mec qui est déjà avant cette saison. À ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, il commence à baisser un peu en niveau, perte de morale un peu, et Hamilton devient vraiment le numéro 1 et ça aboutit à des décisions d'équipe comme hier. Ouais, comme hier à Sochi. Et donc au final, ouais, ce qu'on disait, c'est que le tournant de la saison, finalement, c'est un peu déjà c'est à Bakou parce que ça lance la saison d'Hamilton, mais c'est aussi le Grand Prix d'Allemagne où Vettel craque un petit peu et fait des erreurs en termes de logistique et de conduite, quoi. Il craque totalement, il peut prendre énormément d'avance, il peut prendre quasiment 25 points d'avance. Ouais, c'est ça. Et en finissant dans le mur, droit dans sans, le mur, sans explication plus que ça. Il y avait la pluie, mais c'est quand même une grosse erreur. Ouais, une erreur il de pilotage. Il repart avec du retard par rapport à Hamilton. 9 points de retard. Alors qu'à ce moment-là, c'était Ferrari avait commencé à prendre le pas sur Mercedes. Il commençait à passer au-dessus de Mercedes Ferrari. Ouais, la voiture devenait de plus en plus performante. Ils n'ont pas du tout réussi à mettre à profit ça. Alors que Mercedes, on l'a vu à Singapour ou ce week-end, dès que la... Non, pas Singapour, ce week-end. Dès que la voiture est supérieure, il n'y a pas photo. Du coup, problème par rapport à ça, Ferrari a perdu les points là où ils auraient dû en gagner. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, même en termes de pilotage, Vettel a fait des erreurs qui lui ont coûté cher à Ferrari très cher. Et même pour lui, parce que ça lui a coûté des points pour son classement personnel. Et Hamilton, même s'il a fait des erreurs, il a su, ça reste quand même un excellent pilote. Bon, Vettel aussi, mais il a réussi entre guillemets à limiter la casse et à faire des podiums là où il aurait pu ne pas le faire et prendre c'est des ça. Points là où il fallait en fait. Est-ce que Mercedes est un meilleur constructeur que Ferrari ? Cette saison, c'est 50-50 à peu près. Peut-être un petit peu au-dessus par rapport au début de saison, mais globalement, ils sont à 50-50 tous les deux cette saison. D'accord, ok. On était en train de dire que Ferrari prenait l'ascendant, mais là c'est on a vu... De plus en plus faire, imagine que tu switches les deux. Tu mets Vettel chez Mercedes et Hamilton chez Ferrari. Ça dépend qui tu mets en patron d'écurie. Quoi. Si Toto Wolff reste le patron, je ne suis pas inquiet. Non, ça ne joue pas énormément, mais du point de vue potentiel de monoplace, les deux sont assez similaires. Il ouais, n'y a okay. pas eu trop de différence cette année. Ça fait au pilotage Wolf, beaucoup. Toto Wolff, c'est le patron de Mercedes. Okay. Donc c'est lui, par exemple, qui l'a dit à Valtteri Bottas écoute, mec, tu vas laisser passer Lewis Hamilton, tu vas finir tranquillement second. Laisse passer au virage 13. Quel âge il a, Hamilton ? 33 ans. Et voilà, pour faire un petit débrief sur la saison, il a quand même fait une grosse saison, 8 grands prix, sachant qu'il en reste 5. Au-delà de ça, ça a été un. Saison. Comment ? Belle saison, oui. Super saison, et il a notamment réalisé un grand prix à Singapour assez incroyable où il a réalisé un tour historique où il a signé la pole position en 1.36.0 alors que les spécialistes disaient qu'on n'était pas impronosticable. Exactement. On pensait est-ce qu'on va passer en dessous d'entre 1.36-1.37 et il a fait 1.36.0. Ouais, il a calmé tout le monde au moment où il commençait un petit peu à être remis en question parce qu'il lançait sa gamme de vêtements pour une marque que je peux pas citer. Mais voilà, on commence à lui reprocher ses déplacements extra-sportifs et justement il revient et il assume son statut en montrant que bah oui, c'est un pilote qui c'est le patron un peu là. Qui est de plus en plus confirmé et qui va voilà, peut-être battre pour Hamilton. C'est ce que j'allais lancer, Schumacher. C'est qu'au final il a 33 ans. Pour l'instant, il y a pas de raison qui pourrait indiquer sa sortie à moyen terme de la F1. 33 ans, c'est pas non plus si vieux. Non, à moins d'un retournement cataclysmique de situation, il va remporter son 5e titre de champion du monde. Schumacher est à 7. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'égaliser Schumacher, 7 titres ? Sachant aussi que le nombre de victoires, il était à 70, Hamilton, Schumacher à 91. C'est un record qui peut sembler aussi abordable. C'est un record Schumacher, impossible. Et jusqu'à quel âge il a 34 ans. Il a arrêté assez tôt comparé à d'autres pilotes. D'accord. Il a arrêté assez tôt. Oui, le record était complètement inaccessible il y a quelques années. Mmh. On pensait 91 c'était surhumain et Hamilton paraît en position de le battre. Mmh. Ouais, ça me fait un peu penser. On a combien de victoires par saison à peu près là pour Hamilton ? Il y a beaucoup de grands prix actuellement. On est sur les saisons les plus longues. Il y a une vingtaine de grands prix. Il n'y a jamais eu. Ouais, il y a plus de 20 grands prix. Il y en a 21. Il y en a 21 cette saison. Donc on peut dire la moitié est gagnée à peu près par Hamilton, non ? S'il continue comme ça, Mercedes, bah il y a pas trop de raison que ça régresse. 8. Sur les 5, pour moi, il en gagne au moins un ou deux. Ouais. Ouais, donc ça fait la moitié. Il y a s'il se donne les moyens, il y a pas de raison qu'il ne l'atteigne pas. Ouais. Ouais. Je lui offre la tête 3 ans et non 2. Puis Vettel, en termes de victoires gagnées dans les Grands Prix, il est loin derrière, non ? Il doit être à quoi, 50 À une époque, ils étaient quasiment à égalité. Et là, oui, Vettel a battu le record de Prost de 52, du coup, il doit être à 53 ou 54. D'accord. Et 15 victoires de retard, c'est quand même pas mal. Hein. Donc pour vous, c'est quasiment sûr d'ici 2 ou 3 ans, du coup. C'est pas quasiment sûr. Non, ouais, mais c'est abordable. C'est jouable, ouais. Est-ce qu'il le finira chez Mercedes ? Tant que Mercedes sera en tête, oui. Ça va vite, quand même, chez les constructeurs. Ça va vite, basculer. Ouais. D'accord, c'est peut-être ça. Ça va vite, mais il n'y a pas de gros changement de règlement prévu. Du coup, d'accord. Globalement... Bon, ça peut rester comme ça un petit moment. Ça peut rester comme ça un petit peu. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est que ça va être son 5e cette année. Je vois pas comment. Il faudrait qu'il y ait un ou deux abandons. Ok, est-ce que le plus jouable, c'est quoi ? C'est peut-être le 91 ou les 7 ? Ça arrive. Je dirais les 91. Parce que les 7, ça dépendra si Ferrari commence à monter, ça dépendra de l'arrivée de Leclerc. Les deux sont dépendants les uns des autres. Mais les ouais, deux se jouent en même temps. Les deux, oui, mais c'est plus facile de gagner beaucoup de victoires sur une saison. Ce que j'allais dire, il peut gagner des grands prix sans être champion du monde. Donc, attends, si tu gagnes 10 grands prix en une saison, t'es champion du monde. Pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Ça peut s'il va d'avoir gagné, globalement, oui. Tu peux avoir que deux gagnants dans une saison de F1. Ouais, si les 11 autres, il est bêtement moins bien classé aussi. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est comme ça. Imagine, il en gagne 8 dans une saison déjà énorme. Imagine son concurrent en gagne 10 pendant 3 ans et ne pas être champion les 3 années. C'est énorme, c'est deux fois plus énorme. Ok. Ok, ben nous on continue, on a fait notre petit point sur Lewis Hamilton qui le mérite aussi, un peu comme un certain Leandro Valverde. On fait place aux champions ce soir. Je sais que ça fait plaisir que je dise ça. Et nous on va passer tout de suite au jingle quiz. Sport and chill, le quiz. C'est bon, on va le voir un peu. Alors il va devoir avoir un duo ce soir, sauf que non, vous pouvez partager le micro sans forcément être un duo. Je note les noms, Paul, Tim. Donc t'as dit que ce serait un quiz un peu plus court apparemment aujourd'hui. Oui, c'est... Tu étais fainéant un peu aujourd'hui. Oui, j'étais un peu occupé, donc c'est pour ça que... Plutôt sac fainéant, ça. Ouais, on va dire ça, on va dire que le mot occupé, c'est un peu un synonyme de fainéant. Non, c'est pas vrai, j'étais occupé, mais on va faire un peu court, mais il y a quand même une dizaine de questions. Ouais, j'aurais pu tricher. J'aurais pu regarder tout à l'heure, mais j'ai pas fait. C'est vrai. On va commencer avec un tour de table, et cette question golf, en quelle année fut créée la Ryder Cup? Super. Ah ouais, mais c'est une question d'actualité. Et je vais peut-être commencer avec Yacine, justement. On va commencer avec le fond et Yacine. Je sens que ça va être dur comparé à la semaine dernière. C'est une idée. Romain va-t-il continuer sur son sans faute depuis ce début de saison? Je vais dire. Tu mets la pression. C'est la combien de édition? C'est quoi, c'est tous les 4 ans, tous les 2 ans? Allez, chaque année. 1964. 1964. Non, j'ai pas je vais dire 1962. 1962. Je suis en train de me calquer sur ce que vous dites, c'est terrible. Mais je vais dire plutôt que ça, je vais dire 1950. Je vais dire encore plutôt 1942. 42. Prends le regard, moi. C'est tendu, hein. 1971 pour moi. Ok. Point pour Paul, c'était en 1927. C'est une très bonne. Je veux dire 1928. Alors auparavant, ça sera ma seconde question, mais auparavant c'était pas contre l'Europe, c'était contre le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne, puis après le Royaume-Uni avec l'Irlande. C'est depuis 1979 que les USA jouent contre l'Europe, et sur ces 20 rencontres depuis 1979, l'Europe est devant avec combien de victoires? On commence avec Paul cette fois-ci, justement. Yes. Mais je sais pas, c'est quoi? C'est tous les deux ans la fréquence? C'est chaque année? Mais t'as donné le nombre. Ils se sont rencontrés 20 fois. 20 fois. 20 rencontres. Il y a 20 rencontres. Combien il y a? Il y en a eu 20. Ils se sont rencontrés 20 fois. Ok, donc pardon. Je vais dire. Il s'appelle On. Il est un phare. 11. Je sais pas. 12 victoires, je crois, pour. Je vais dire. 12 victoires. Sur l'Europe, sur les 20. Allez, je vais dire 13, moi. 13. 12. 12 pour moi. Et max 11. C'est 12, non? C'est quoi le premier truc que tu avais dit au début? 12. Au début, avant? J'avais dit 11. Et 11? 11. Voilà. Oh là là, folie! Oh shit. Pas du tout. Point pour hasard. Max. Non. 4 d'affi. On aurait dû réviser, hein. Du coup, ouais, 11 victoires, 1 nul. Ouh. Et 8 victoires pour les USA. C'était en quelle année le nul? Flo, c'est une question pour toi. Flo, tu vas faire un air quiz. Question suivante. Une autre question, je ne donne pas le sport, mais je donne le chiffre 4. Je vais donner des indices petit à petit. 4, ok. Yes. C'est compliqué de répondre là-bas. Ouais. Non, 4. De manière brute. Alors, première. Chiffre de Raphaël Varane, non? Non. 4 d'affilée. Les basketteuses féminines? Non. Les États-Unis? Victoire consécutive de Mercedes au Grand Prix de Russie? Non plus. Ça va plus. Les podiums de Valverde au championnat du monde? Non. Non, il y en a plus. Notre indice, tournoi. Du grand jeu. Quoi? 4 tournois. Victoire d'affilée à Nouvelle-Zélande au Four Nations? Non. Victoire consécutive au Four Nations? Non, c'est 3. Là. Notre indice, française. 4 tournois françaises? C'est le 4ème first de Mladenovic en 4 tournois? Non. Y'a de l'idée? Tennis woman. Ah, c'est du tennis. Sans rapport avec Caroline Garcia? Non. Ah putain. Quatre d'affilée. La Tchété, quasiment. Cornet pour Cornet. La même chose. Précise. Pour Cornet. Elle a fait 4 firsts d'affilée. Point pour Yacine. Attends, je t'ai mis ouais, sur ouais, là, c'est moi, je suis d'avis pour faire un partage de points dans ce cas-là. Merci, mon petit Yacine. On fait pas de 0,5 points ici. D'accord, mais je suis désolé. C'est pas la Ryder Cup ici. J'ai juste dit Cornet. Est-ce que vous accordez les autres de mettre un point chacun? Oui. Ou ah, merci Tim. Tu vois pas l'opposition. Romain est plus réticent, Maxime aussi quand même. Ouais, je trouve ça comme limite. Hein. Allez, pas le système. On connaît bien la mentalité espagnole là-bas. Alors, 4 premiers tours pour Cornet, l'US, Ganzhou. Wuhan et Pékin d'affilée. Et bonne continuation à elle en tout cas. Il y a une régularité, c'est une vertu. Hein. Ouais. Allez. Dans la médiocrité, la rigueur, c'est très important. Rapidité, qui a dit ? La saison est encore longue, il y a des leçons importantes à tirer de ce derby. Car les matchs de phase finale seront tous les matchs comme cela. Coach de Castres. Il ne faut pas laisser des occasions faciles à l'adversaire par rapport à la discipline. Mayer. C'est une très bonne leçon pour nous. Il y a du positif aussi. On va continuer à construire là-dessus. L'important du championnat, c'est d'être régulier. Attends, sur un derby. Ficou. Non. Trouver le bon derby déjà. Répète, s'il te plaît, mon ami. La saison est encore longue, il y a des leçons importantes à tirer de ce derby. Car les matchs en phase finale seront tous des matchs comme cela. Laurent Labitte. Donc déjà. Quoi déjà. Bonsoir. Labitte bah, travers. Travers. Déjà, c'est une équipe qui a perdu dans un derby. Ah, et ce n'est pas le derby d'Occitanie. Est-ce que ce serait pas le coach de Castres? C'est un derby dont on a parlé parce que j'ai dit que le nom de ce derby pourrait poser problème. Ah, c'est Grenoble contre. Oui, c'est le coach de Lyon. Le derby pourrait poser problème. L'entraîneur des avants. Perry Frechmatter. C'est technique pour moi. Non, mais qui est très connu puisque c'est un ancien international qui. Peter Devilliers. Peter Devilliers, bien joué. Entraîneur des avants. On ne peut pas confondre avec Bernard Lavilliers. C'est là-dessus. C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine, pas le même talent non plus. Allez, point pour Romain. Toi, c'est en forme ce soir. Allez, Tim, c'est à toi là, il faut commencer là. Qui suis-je? C'est pour Flo? Toi. Clarisse Agbenedu. Tim? Non, Flo. Né le 21 juin 1955. Je suis un homme important dans mon sport. Dans divers Michael Jordan. Dans divers domaines même, je suis très important. Alors, je deviens professionnel en 1972 dans un club qui n'a plus autant de succès qu'à l'époque. Je marque mon sport par mon talent. Comme j'ai pu marquer celui du championnat de France ou dans un pays voisin notamment. C'était aussi dans les instances supérieures que je me distingue. Platini. J'hésitais. Parfois en bien ou en mal, je suis l'investigateur du fair play financier à l'UEFA. J'hésitais avec Je suis le triple ballon d'or, je suis nos platoches, je suis Michel, j'allais dire. La plate. Michel Platini. Michele. Michele Platini. Point pour Paul qui a 3 points. Qui a dit ? Finir 9e. C'est en fait Thibaut Pinot. Finir 3e pour nous. Donc ce n'est pas trop mal. Nous avions quand même le rythme de faire mieux. Ocon. Esteban Ocon, c'est point. Joli. Superbe. Au moins devant la race de Magnussen, nous avons essayé de changer nos places pour voir c'est si cool, l'un de nous pouvait le dépasser, mais cela n'a pas fonctionné. Esteban Ocon qui a fini 9e pour nous. Ce week-end. Si tu enlèves les 3 top teams intouchables, c'est ça ce qui veut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon. Allez, dernière question golf. Je pense pas qu'il y aura des points, mais pourquoi pas. Je suis désolé. Sorry, qui est devenu le golfeur ayant marqué le plus de points dans l'histoire de la Ryder Cup? Francesco Molinari. Non. Avec 25,5 points. McIlroy. Non. Non, McIlroy a pas. Moi je le connais pas, donc. Tu l'as mis. Il a. Je vous l'ai dit hein, que c'est pas être facile. Mais si j'ai vu. Pas une charade là pour toi. C'est pas un espagnol ou un truc comme ça. Si c'est un espagnol. Yon Ram. Non, c'est un espagnol et son prénom est très espagnol, son nom c'est Sanchez. Très espagnol. David Sanchez. Non. Roberto Sanchez. C'est un nom espagnol qui finit pas par un. C'est Juan Garcia. Diego c'est un Garcia. Juan Bernat. Garcia. Garcia Lopez. Et c'est un. Son prénom c'est un milieu du UFC de Barcelone. Xavi. Iniesta. Non, prénom Sergio Garcia. Sergio Garcia, qui c'est qui l'a dit en premier? J'ai compris. J'ai dit Sergio, j'ai pas dit Garcia. Je donnais le point est-ce à Garcia. Pas parce dans que Zorro, celui-là. C'était misérable. C'est moi qui avais le nom et je savais que c'était un golfeur. En fait, Garcia, c'est le minimum. Ah, pas mal. Ah, Romain essaie de prendre des points. Est-ce que tu sais qui l'a battu? L'américain. C'est Yon Ram qui a battu Tiger Woods, donc c'est l'autre espagnol qui a battu Woods. Donc c'est. Ballesteros. C'est Nick Faldo, apparemment légendaire au golf. Oh la Faldo. Oui, bah oui, légendaire, oui. Enfin, oui, certainement. Oui, Tim le savait, bien sûr. Yacine savait, visiblement. Allez, en football. Ah, d'accord. Battu sur la pelouse. Rapidité. Hein. De West Ham 3-1, Manchester United ne compte. Ah non, c'est tour de table. Manchester United ne compte que 10 points en 7 journées. Son plus mauvais départ en championnat depuis quelle année? Salaud, tu m'aurais fait la même pour Marseille, je l'avais. 1988. Je parle de loin quand même. Je veux dire 1968. 68. Oh putain. 89. 89. 82. 82. Tu te mouilles pas trop quand même, Messina. Non. Non, mais j'ai ma petite idée, c'est pour ça. D'accord. Non, si, c'est vrai. Ok. Tout le monde me met le doute. Elle était dans les années 60 et puis d'un coup je me dis c'était peut-être les années 80. Je crois que c'est les 40, Non, je suis un freeride, hein, tu me connais. Bah... 1983. 84. Ouais, 84. 85. Non, non, non, c'est bien 89 en effet. Tu sais pourquoi? Ça fait depuis 29 ans en fait. C'est pour ça. Ouais, et c'est depuis à peu près le début de l'ère Ferguson. Qui arrive en 86, je crois, si je ne me trompe pas. Je suis un peu énervé en 68, moi. J'avoue. Et pourtant, je pensais que c'était la bonne chose. C'était à l'époque où ils ont gagné la Ligue des Champions, pas très loin. Ouais, avec Georges Best. Donc, pas pour Yacine. Attention, rugby. Rapidité. Où se joueront les finales 2020 des Coupes d'Europe rugby? Marseille. Oui, c'est à Marseille, oui. 2020. Ouais. Superbe. Point pour Paul. Et c'est, en 2020, c'est Newcastle, donc, année, les deux finales de Coupe d'Europe se joueront au Vélodrome. Cette année, c'est à Newcastle, non? Je sais pas. Rapidité, qui a dit? On va prendre des buts si on comprend pas qu'on doit faire plus défensivement. Désolé. Désolé, non, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ah. On va encore prendre des buts si on comprend pas ce qu'on doit faire plus défensivement, plus collectivement. L'OM est une équipe qui a besoin de travailler plus. Oui, c'est vrai, c'est ça. Luis Gustavo, parce que son français est bien approximatif. Son jeu aussi, hein, actuellement. Ouais. Plus que les autres, si on comprend pas qu'on n'est pas Paris, qu'on n'est pas Barcelone, il faut travailler. Ouais, mais c'est bien, il y a un français. J'ai eu la dernière phrase, mais j'ai pas eu au début. C'est qui a dit, c'est Romain? C'est comme Fekir, Eric de Ball. Luis Gustavo. Je récupère de Ball. Après la défaite de l'OM contre le LOSC. Attention, dernière question. Ah non, il en reste encore 3. J'étais sur la mauvaise page. En fait. Que suis-je? Que suis-je? Top. Ouais, bah, attention, pas qui suis-je, que suis-je, hein, je répète. Ah bah non. Le faire je plus financier. Je suis une équipe d'un sport qui a débuté en 1980 et qui est encore bien actuel, mais qui a changé de nom plusieurs fois. C'est Pedro de Galdo qui propulse mon équipe avec des victoires majeures de mon sport. Les années 80 et 90 sont rythmées par ces victoires. C'est avant qu'un certain Espagnol s'impose dans l'équipe. La Movistar. Point. Oh, joli. La Movistar ou la Caisse d'Épargne, j'aurais pu accepter. Quelle mire. Sont rythmées donc, c'est un certain Espagnol qui est Indurain, qui propulse mon équipe. Je vais l'avoir tout de suite. Et après un changement de deux changements de nom, je prends en 2006 un maillot et un sponsor très célèbre en France, de couleur rouge et noir. Je connais des déclassements pour dopage, notamment au Tour de France, mais c'est avec un total de 25 victoires dans les grands tours que je passe la main à mon actuel sponsor, avec des coureurs comme Kieran Carr, Rui Costa, Marc Soler ou surtout Nairo Quintana et Alejandro Valverde. Je l'avais avec moi en plus. Il est beau. Ah ouais, il est juste là. Il est beau. Hein. Le caisse d'épargne. Ou Movistar, que Yacine a dit. Quelle belle couleur rouge et noir. C'est très beau. Qui est d'ailleurs l'opérateur téléphonique espagnol, pour ceux qui ne savent pas, la Movistar. Enfin, l'un des opérateurs. Oui, une petite pensée à Jeanne Masse. Une petite pensée à Jeanne Masse. Non, pas Balzac. Ouais. Honoré Stendhal. Stendhal, m'a dit. Et à Nicolas Masse aussi. Hein. Dire, paraît-il. Tant qu'à faire au Masse. Rouge et noir. C'est pour ça. Qui a dit rapidité? C'est une citation très courte. Bah toi. Excellent. Super. C'était génial de revenir sur le terrain et de commencer une nouvelle aventure pour moi. Ça marche. Yes. C'est pas mal. Je donne un indice. C'est un championnat qui a repris cette semaine. NBA. LeBron James. Point. Bien. Eh oui. Bien. Je cherchais le basket mais LeBron alors là. Ouais. Excepté de mettre 2 points à cette dernière question, Paul est intouchable pour l'instant. Pour une fois, hein. Choqué. La semaine dernière, j'ai mis une dernière question à 2 points, donc je la remets à 2 points. Cette que j'ai gagné d'ailleurs, je crois. Seuls Yacine et Romain peuvent aller chercher Paul sur celui-là. Ah oui, et dommage, puisque c'est une question Formule 1. Oh. Allez, Max, régale-moi. C'est le moment. Tour de table, et si vous avez tort, vous êtes éliminé. Avengers, excellent. Allez, tant que c'est terminé. On parlait de Lewis Hamilton. Quels ont été ses coéquipiers durant sa carrière? Ouais. Donc il y en a plusieurs. Où on démarre? On démarre où, par moi? Avec toi, Romain. Non, mais Valtteri Bottas. Bah, ok, je suis cramé. Malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. Deuxième. Je veux dire oui. Rosberg. Rosberg. Ah, j'allais dire, terrible. Et là, je commence déjà à parler chinois. En effet, parce qu'il y en a peu. J'en ai un, là, je suis inquiet. Ouh là là là là. Ah ouais, désolé, je vais un peu mettre du temps à réfléchir parce que je suis désolé, mais Rosberg. Attends, parce que. Attention, pas d'indice. Tu les as, Maxo, ou pas? Pas d'indice. Je vais. Bon, allez, tente. Non, c'est Yacine, hein, sinon il est éliminé. Ah, mais je vais être sorti. Hein. Bah Raikkonen. Ouais. Non. Ouais, je savais qu'il était pas. Vous allez être puni aussi, je pense. J'en ai un. Jenson Button. Ah, pas oui, mal. C'est allez, bien joué. Super. Mais oui. Super. Paul, il est au bout de sa vie. McLaren ou... Va le chercher, va le chercher. Fais-moi plaisir. Non, bah ça non, c'est quand même ridicule. Ça, je savais. On a dit les plus récents là ou il en manque un il y a pas longtemps? Non, non, non, aucune indication, aucune indication vu qu'il en reste très ouais, peu. Ouais, Paul rend pas fou. Non, bref, entre 2007 et 2009, yes. Allez. Julien Clerc, non. Pas mal. Aucun rapport clair. Verstappen, n'importe quoi. Allez, Romain. Moi, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu Fernando Alonso. Oui. Oui. Eh oui. Attention, attends. J'en ai sorti. Attends juste, Tim, est-ce que tu as le dernier? C'était celui que j'avais. Pas forcément. Parce que je suppose que tu as le dernier, qui est le moins connu. C'est le moins connu, ouais. Kovalainen. Kovalainen, on va mettre les deux points quand même. Kovalainen, c'est l'Estonien là? Oui, les deux points pour Max qui... Ah oui, oui. Mais en fait, il y a personne qui a fait d'erreur. Enfin, non, dire, du coup, oui, c'est vrai. Du coup, on va mettre un point chacun. Romain point, Max point et Tim point. Ce qui fait que tout de même, Paul est vainqueur. Je sauve l'honneur. De... Malgré Verstappen, comme. Malgré une proposition. Malgré Julien Clerc. Le gars nous a failli nous dire Choumi au début. Hein. Donc Paul qui gagne ce quatrième quiz de cette saison avec 5 points. Bravo, bravo à toi, Paul. Et nous, on va continuer sur l'agenda. Première défaite. Et on va passer sur le tennis. Est-ce que tu as du tennis à nous donner ou que nonni? Si, écoute, ça va se faire. yes. sachez qu'il y a le tournoi de Pékin et de Tokyo. On continue sur la tournée asiatique au tennis, voilà. En football. En football, on a le retour de la Ligue des Champions avec côté français un premier match mardi soir Olympique Lyonnais Shakhtar Donetsk à 21h. Coucou ouais, la Mosson. Effectivement, la Mosson va connaître ça prochainement aussi. Enfin, par certaines de ses lunes. Mais bon, ça c'est annexe. Mercredi, Borussia Dortmund AS Monaco. Je crois que c'est à 21h aussi. Mais par contre, pour ceux qui veulent voir le match du PSG, je précise que PSG Étoile Rouge de Belgrade, qui est mercredi, se joue à 19h. Ouais. Donc il ne faudra pas se planter. Concernant les autres gros matchs de Ligue des Champions, j'ai noté mercredi Tottenham-Barça. Naples-Liverpool. Superbe. Ou encore mardi, c'est pour faire plaisir notamment à mon voisin, Manchester United-Valence. C'est un peu pour Valence aussi. Hein. Pour voir aussi ce que Valence va donner en Ligue des Champions, c'est pour ça que je le dis. mais parce que c'est un classique du football européen, Bayern Munich-Ajax Amsterdam, mardi soir. Concernant l'Europa League pour nos clubs français, jeudi, des matchs qui piquent un peu plus, hein, mais c'est pour l'Europa League. Hein. Ouais, c'est vrai que ça pique. Les Girondins de Bordeaux contre Copenhague, c'est déjà une équipe qu'on a vue en Ligue des Champions, à 19h. Marseille, qui jouera sur le terrain de l'Apollon Limassol. Oui, 21h. Là, il faut prendre les points. Le Stade Rennais qui jouera sur la pelouse du FC Astana, fidèle équipe de cyclisme. Ah, je ne sais pas pour le football. À 16h50, hein, horaire un peu habituel pour les supporters du Stade Rennais. Horaire asiatique. En même temps, qu'il y a du shopping. Voilà. Désolé. Depuis le Kazakhstan. Et puis pour. Je ne consomme plus là, cette fin d'émission. Pour Yacine, bien sûr, un AC Milan Olympiakos. Mais j'ai regardé qui semble être le meilleur match d'Europa League de cette soirée-là. C'est sûr, oui. À 19h. Pour l'Olympiakos surtout. Tout le monde devant son poste de télé, s'il vous plaît. Pour supporter le Milan. Milan encore en 2018. Les gars. Concernant les autres matchs d'importance, dimanche j'ai noté un Liverpool-Manchester City en Première Ligue. Et puis en Espagne, ce sera dimanche aussi à 18h30, Valence-FC Barcelone et Atlético de Madrid-Betis-Séville. Donc je me permets de le dire, sachant que le Betis-Séville est très bien classé actuellement. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour parce que j'ai cru voir qu'il n'y avait pas de Ligue 1 ce week-end. J'ai pas cité la Ligue 1. Je suis pas tombé dessus sur l'agenda d'un sponsor. Pourtant. Est-ce qu'on a la Ligue 1 ce week-end? Tu l'as devant les yeux, tu pourras la donner du coup. Oui, parce qu'il y a Paris. Parce que je sais qu'il y a Paris-Lyon, mais je n'étais pas tombé sur les matchs, donc je me permets de manière. Bah ouais, parce que moi j'ai le MHSC, donc. De manière volontaire de donner le relais au cas où j'ai oublié un match. Je dis un petit peu pour la Ligue 1. LOSC Saint-Etienne, on est obligé de le dire puisque c'est un 12e duel bien classé. Un duel au sommet. C'est ça. Qui est le principe de l'ancienne équipe de l'Olympique. Pour les fans de l'Olympique de Marseille, ils recevront Toujours dimanche, mais cette fois-ci à 17h. Enfin, ils ont lâché le créneau horaire de 21h. Paris-Lyon. OM Caen, et évidemment Paris-Lyon dimanche 21h. On pourrait noter aussi Monaco-Rennes. Monaco très important pour. Sinon, ça va être compliqué pour se relancer. Pour, eux, ouais, pour se relancer. Et pour nos voisins, on ne les oublie pas, Nîmes qui reçoit le Stade de Reims samedi à 20h. Donc je ne citerai pas, mais effectivement, certains journaux ne s'intéressent plus à la Ligue, hein, visiblement, et ne donnent pas les... C'est l'équipe. Ne donne pas les matchs. Voilà. Mais les autres championnats, voilà. Il y a en Formule 1, c'est le GP de Japon. Si je me trompe pas, on va faire peut-être le pronostic là-dessus parce qu'on a fait beaucoup de pronostics de foot. On va peut-être faire un petit pronostic GP du Japon en rugby. Rugby. Du coup, ce sera la 7ème journée la semaine prochaine, avant le début de la Champions Cup et la Challenge Cup. Donc, on a un sympa La Rochelle-Clermont qui ouvrira donc la journée. Grenoble-Bordeaux, Pau-Perpignan. Donc, ça va être compliqué encore pour Perpignan d'aller chercher une victoire. Racing-Lyon, Toulouse-Agen, donc dans le derby de la Garonne. Ensuite, le lendemain, donc le dimanche, on aura un Castres-Stade français et surtout le choc Montpellier-Toulon, donc à 16h50 au GGL Stadium. Ah oui. Et puis, et suite et fin, il me semble, du Four Nations avec un sympa à l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande voudra prendre sa revanche par rapport au match aller. Et Argentine-Australie. Ok, très bien. En cyclisme. En cyclisme, ce sera la classique des feuilles mortes avec Paris-Tours qui aura lieu dimanche prochain. Mais on dirait un tour d'un Pokémon. C'est son nom parce que tout simplement c'est l'automne, hein, vous le savez bien. Attends. Donc ils lui ont donné ce nom pour Paris-Tours. Classique des feuilles mortes, c'est Paris-Tours. Et oui, je crois bien. Ou j'ai fait un impair. Là. C'est possible, mais j'étais quasi sûr de moi. L'impair qui serait pour le coup adapté à la saison. Exactement, d'ailleurs, l'impair qui serait adapté à la saison. Donc, sur le Paris-Tours, c'est la meilleure de la soirée. Qui est classiquement la course qui terminera le calendrier en France, en tout cas. On va avant, mettre des points en moins. Avant le Tour de Lombardie. Parce que des points en moins, attention, une erreur sur le cyclisme. La classique des feuilles mortes, c'est le Tour de Lombardie. Ah, c'est le Tour de Lombardie. C'est parce que j'ai envie du Tour de Lombardie et de voir déjà Alejandro Valverde avec le maillot. Avec le maillot. Et puni par ça. Des malus s'imposent, monsieur. Ouais, j'ai mélangé. Ouais, c'est l'automne, mais j'aime pas l'automne. C'est la fin de la saison. Dans les autres sports, moi j'ai du handball et c'est bien triste en Lidl Star League puisqu'on a que Aix-Toulouse en mercredi. Après les autres gros clubs, on va dire Nantes, Paris et Montpellier ne prennent que des petits, entre guillemets. Montpellier n'a pas encore affronté de gros, hein. Ouais. Ça va bientôt arriver parce que. Bah, si Nantes, c'est la semaine dernière. Oui, 20 septembre, ouais, Nantes, début octobre, ça va jouer contre Barcelone et contre Heineken, je crois. Dans les autres sports, il y a le Rallye de Grande-Bretagne. Le Rallye de Grande-Bretagne ce week-end en WRC. En surf, il y a quelque chose d'important, c'est une manche de la Coupe du Monde, tout simplement, chez les hommes, et c'est en France, à Osgore, avec la Quicksilver Pro France 2018. Et c'est le début de quelque chose d'important aussi pour les jeunes. C'est le début ce week-end des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront en Argentine à Buenos Aires du 18 octobre. Stylé. Voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter dans les autres sports? Tu as été tout à fait exhaustif. Pas de canoë-kayak? Bah non, c'était la semaine dernière. Et oui, c'est vrai. Diffusé sur ceux qui ne donnent pas les matchs de Ligue 1. Et donc sur les sports montpelliérains, Guingamp, donc Montpellier, le MHSC samedi 20h, MMF, donc le futsal qui recevra Vénissieux samedi, le MHR, on l'a dit, qui recevra Toulon dimanche à 16h50, et le MHB qui recevra Dunkerque ce mercredi en Lidl Star League. Et le pronostic, c'est donc le GP du Japon. Un petit tour de table, on va commencer avec notre déjà expert. Tu veux quoi, expert Formule 1 là, et tu veux l'écran premier ou seulement le vainqueur? Ouais. Seulement le vainqueur, pardon. Seulement le vainqueur, je pense à Hamilton. Ah là là, ça joue safe. Ouais. Yacine. Ah, Mercedes, Suzuka, c'est fort. Esteban Ocon. Allez. Allez. Allez, on fout. Allez, Ricardo, c'est parti. Il y a encore Ricardo. Je le mets. Oui, je sais pas. Est-ce qu'il concourt encore Ricardo? Oui. Oh, j'allais dire. Ah, mais il a gagné deux grands prix cette saison quand même. Ah oui, bah d'accord. Ouais. Ah, ça peut se tenir, monsieur. Moi, j'ai besoin de points là, donc je vais dire Hamilton. Ouais, moi, je suis pareil. Hamilton. Je suis déçu. Ah, j'ai pris un risque, monsieur. Pas de Vettel. T'as pas demandé un sport à trop de suspense actuellement. C'est vrai. Attention, c'est à moi de dire. Oui, c'est à toi de dire. Mais je vais peut-être mettre quelque chose en plus, c'est que si c'est pas Hamilton qui gagne, je mets 2 points à la personne eh ben, oui mais moi dans tous les cas j'avais mettre Hamilton. Hamilton j'avais prévu de ne pas mettre Hamilton même si c'est un peu dangereux mais on va faire confiance à Ferrari on va dire Vettel. On va dire Vettel parce que si c'est Bottas en tête de toute façon il ne le sera pas gagné donc mais c'est pour ça je vais tenter Ferrari et je vais tenter Sébastien Vettel et Paul Hamilton. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit Hamilton. Moi, cette année, j'ai envie de jouer, tu vois. Freeride. Freeride, du coup, je vais mettre Verstappen, ouais. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas ça. Ouais, il va taper tout le monde et il va gagner. Et personne n'a donné Kimi Raikkonen, du coup. Voilà, personne n'a donné. C'est un nom stylé, Verstappen. J'avoue. Max Verstappen. Bon, allez. On était à l'heure, donc on va continuer à rester à l'heure. Je vous remercie donc ce soir d'être venu avec moi, donc les chroniqueurs. Merci à toi. Et aux auditeurs de nous avoir écoutés et nous avoir regardés sur le live du débat. Et merci évidemment à Arnaud et au jeune homme, je ne sais pas qui c'est justement. Dorian, c'est ça, d'être avec nous aussi ce soir, d'avoir merci joué la technique. Merci jeune homme. Merci. Et nous, on va finir sur le son de la semaine. Merci jeune homme, je sais que j'aurais pas dû le dire. Et on va finir sur le son de la semaine. Bonne émission. C'est Alejandro Valverde qui, décidément, m'a fait du tort ce week-end, mais on va finir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler avec des invités golf, pour parler évidemment de la Ryder Cup. Pas mal ça. Ces invités golf la semaine prochaine avec le Krebs, évidemment. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée, salut à tous. Benga Valverde. Piqué, mais c'est le favori. Et attention à la puissance de Tom Dumoulin. Et puis Romain Bardet qui va être héroïque dans ce sprint. Romain a joué sa carte à fond pour aller chercher le podium et peut-être Valverde. Mieux. Valverde qui lance de loin. Allez, rendre Valverde en tête avec Michael Woods. Romain Bardet, Tom Dumoulin en 4e position. Allez, rendre Valverde qui résiste toujours. Allez, rendre Valverde. Romain Bardet qui se détache. Et c'est Valverde qui est champion du monde devant Romain Bardet. Michael Woods et Tom Dumoulin 4e. À 38 ans, Valverde enfin champion du monde. Mais que Romain Bardet a été grand, même dans ce sprint. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.